But now we come to a period that I call the battle for identity. Bonsoir, bonjour, Layam Rosenior à tous. J'ai l'impression que ça fait des éthiques. C'est formidable que tu sois là pour en parler. J'ai l'impression que ça fait très longtemps que Radio Shtoum n'est pas venu. Peut-être trop de victoires, mais j'ai une équipe formidable, des garçons super qui vont affronter l'adversité. Roulian, formidable. Fantastique, c'est formidable, j'adore. Avec les chroniqueurs de ce soir sont absolument merveilleux. J'ai une envie de faire cette émission, c'est incroyable. Quelle envie, les auditeurs sont merveilleux, je vous adore. Voilà, on n'aurait jamais pu l'avoir si Blouko n'était pas à Strasbourg. JP Darki. Je m'emmerde, j'ai mal aux yeux. Et dans ma vie, tous les hommes sont plus vieux. Je m'emmerde, demain il pleut. Et dans ma vie, tous les chiens sont pâteux. La famille, ben la MIFA peut-être. La MIFA. Ouais, Blourg, la MIFA, pardon. Blourg, la team et surtout, Blourg, la commu. Il aime aussi la commu. Il a bravé les travaux, le périphérique pour nous rejoindre. C'est Calcio 90. I'm bored. Just another dirty bowl. Bonsoir. Très très heureux d'être là avec, comme d'habitude, le quiz. Formidable quiz. J'espère que vous resterez branchés jusqu'à la fin de ces formidables 88. Et il est encore là, comme d'habitude, Jean-Luc Darki. Merci Jean-Luc, formidable. Qui est le quota jeune, hein, moins de 50. Voilà, c'est toi le Shtoumis d'ouverture aujourd'hui. Ne vous emballez pas, parce qu'on oublie quelqu'un, je crois. Hein. Évidemment. Il est là. Le MC. Ouais, sans qui rien de tout ça ne serait possible. Alors lui aussi entièrement sponsorisé, payé par Blouko de A à Z. Ce micro dans lequel nous vous parlons, c'est Blouko. Cet ordinateur, cette console... Rien n'aurait été possible sans Blouko. Rien. C'est Blouko, évidemment. Lui-même n'aurait pas été possible sans Blouko, mais on ne rentrera pas dans les détails. Il est là devant nous, c'est lui, c'est Gigas. Je m'en vais le soir devant la télé, et je m'en vais la nuit sans rêver, et je m'en vais. Voilà, alors je vous rassure tout de suite, on n'a pas fini de s'auto-congratuler, pas facile à dire, parce qu'on va parler des matchs du Racing. D'abord, on va prendre un petit peu de Redco. Alors, tout de suite, rappelez-vous, la dernière fois, on a dit oui, Blouko c'est génial, machin, c'est pas du tout vrai. Ça, c'était à tort, Stroutim, tout ça, qui mentait. Kittel, qui a beaucoup menti. Les oiseaux de mauvais augure. Voilà. Et... nous, on le savait qu'on allait, battre Lille de vraiment. Donc, là, on va faire des analyses très, très pointues du match. Ah oui, là, je, ouais. Voilà. 2-1, c'est-à-dire un but de plus que Lille. Donc on a gagné, parce donc, que on gagne. Donc on gagne. Et 100% de victoire contre Lille à la Méno depuis le rachat de Blouko. Hein, parce que l'an dernier, je crois qu'on avait aussi gagné 2-1. J'en ai aucune idée. Je ne me rappelle plus du tout. Mais... moi aussi. Oui, je confirme. Et le même scénario, on perd. On croit qu'on va perdre, mais à la fin, alors moi, j'avoue, je n'étais pas match. J'étais en mission scouting dans le Haut-Rhin, à Mosch. Et j'ai regardé le match sur une tablette offerte par par notre sponsor Bloco. Oh, et la première mi-temps, j'ai eu des retours de gens qui m'appelaient sur le standard. Ils me disaient, c'est le pire match de ma vie. Genre, t'as bien fait de pas venir, c'est tous des cons. Et en deuxième mi-temps, bizarrement, complètement changement de... Ouais, ça avait changé déjà, je dirais. La première demi-heure était très difficile. Et à partir du de le dernier quart d'heure de la seconde période, on a vu que c'était un peu mieux, mais on était déjà, le mal était déjà fait. On avait pris un but dès la huitième minute. Hein, donc c'était vraiment tout au début du match. Pendant le quart d'heure de silence, évidemment. Donc évidemment, ça permet de rajouter de l'eau au moulin. Mais on était un petit peu mieux en fin de mi-temps. Et ce qui n'a pas du tout préjugé du début de deuxième période. Alors, début de deuxième période, on avait nous la tête complètement sous l'eau. Et d'un coup, on marque deux buts. Hein. On marque deux buts coup sur coup. Il y a 4 minutes d'écart entre les deux buts. Et là, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a la volée d'André Santos là, qui... C'est une belle volée. Et après, à la 70e, il me semble. Oui, c'est ça. Ouais. Et après, bien sûr, Emega qui marque de près avec une belle passe de Diarra. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Diarra, oui, je connais toujours. Et Emega qui marque dans le but vide ou presque comme à chaque fois, on va dire. Et du coup, à partir de là, c'était bien. Strasbourg dominait. Et évidemment, bon, bien sûr, une fois qu'on domine, on fait des changements. Et je sais pas, les 5-10 dernières minutes, c'était un peu fort à l'amour quand même. Hein. Il y a un super arrêt de Petrovic à la fin. Oui. Qu'on n'aurait pas pu avoir sans Bloco. Hein, Marc Keller l'a encore dit. Dans la Pravda aujourd'hui. Dans la presse locale. Mais pour le coup, il fait un arrêt de très très grande classe. Mmh. De toute façon, ça va être un motif récurrent là dans les quelques matchs qui vont arriver. Exactement. Grande classe. Est-ce qu'on a des XG? Bien sûr. Bah, on se fait défoncer, XG. Ah. Nous, on a 1,1. Lille, 1,8. Ah ouais. Donc normalement, ça aurait été un score inversé. Ça aurait dû être 1,8. Ouais. Ah, donc là, deux choses possibles. Soit les expected goals, c'est de la merde. Soit le gardien était bon. Soit le gardien était bon, exactement. Il a volé. Soit les deux. Hein. Soit les comme deux. Gordon soit Banks. Ouais. J'ai marqué un but, mais... Pelé, Gordon Banks, on s'en rappelle tous. Les mecs qui sont Blouko n'auraient pas pu jouer au football. Ah, je crois pas, non, mais je crois pas qu'il y aurait eu de football sans Blouko. Mais puisqu'on parle de, l'apport de Petrovic, je préfère le dire maintenant, comme ça on va pas oublier. Ça a été dit dans une émission d'ailleurs de télé chez un de nos concurrents locaux, sur une chaîne qui finit en Alsace. Il y a un mec qui parlait de... Ben, je sais pas si vous voyez. Oui. De Petrovic, et je suis allé vérifier, et c'est juste... Si on regarde, il y a des expected goals pour gardien, puisqu'on est dans les expected goals. C'est les expected goals qu'on aurait dû s'encaisser dans la gueule sans le gardien. Enfin, si, et ben, il nous en sauve 6 des buts. C'est-à-dire qu'il nous sauve 6 buts. Ouais, il nous sauve 6 buts. C'est quand même pas mal. Ouais. Et je sais pas d'où ils sortaient leurs chiffres, mais moi, j'ai les miens. C'est la data. C'est la data. Et avec Silla derrière, les expected goals. Alors, ou pas? Ça se rappelle que dans la data, le consortium Bloco, cette équipe-là, ils ont pris le spécialiste de la data de Barcelone. C'est vrai. Qui a signé, la semaine dernière. Il est plutôt pour Chelsea, vous vous en doutez bien. Mais on se renforce dans ce pôle de compétences de data qui a l'air de passionner Marc Keller parce qu'il parle tout le temps de data. Il comprend rien. Ça, c'est l'exemple des mecs qui ont 55 ans. Et ils comprennent rien au truc, mais ils ont vu dans les journaux que c'était bien et ils jurent que par ça. Je sais pas quand tu parles de moi comme ça. Par contre, si c'est bon pour Chelsea, c'est bon pour nous. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Évidemment. Mais c'est quand même c'était quand même un beau résultat. Le match, on a retourné le match. Enfin, c'était relativement plaisant. Quoi. On a retourné le match, je pense, ça, on peut le dire. Oui. Personne ne s'attendait forcément à une grosse victoire du Racing Club de Strasbourg Blouko. Et, petite surprise, donc, je pense que le match, on en a bien parlé. Ouais, c'est hein. Sinon, à tort, à quoi envoyer des questions, Mittal. Petite surprise à la fin du match, et là, je laisse les présents. Hein, ouais. No spoiler, comme on dit. Le capitaine de l'équipe, Habib Diarra, qui ne serait pas là sans Bloco, rappelez-vous. Il ne serait pas là, oh, bah oui, non, bien sûr. Qui aurait été vendu depuis 15 ans, hein, ouais. Le rachat de Bloco. Depuis l'âge de 15 ans, sûrement. Oui, et il prend le micro de Jean-Luc Fizer. Il était là par hasard. Voilà. Donc tout ça est par hasard. Mais étonnamment, c'était plus audible hein, que quand Fizer parle. Ouais. C'était mieux. Ah, t'imagines si Fizer avait demandé. Je pense que c'est le cœur qui a parlé. Très mal. Pour moi, c'est le cœur qui a parlé. C'était vraiment dans l'instant. Dans l'émotion. Et c'était beau, quoi. Tellement beau que j'en ai vu certains. Ils se retournaient parce que Enfin, ils voulaient pas. Ils étaient tout d'un coup assaillis de larmes, je pense. C'était mon cas. Hein. C'était mon cas. Hein. Ah oui, toi, ouais. Ah ouais. Non, un discours profond, quoi. Ah oui. Donc, on rappelle pour les gens qui, la majorité des gens qui écoutent Radio Show ne suivent pas le racing. Tout à fait. Du coup, c'est nos mères. Ouais, voilà. Bah, il y a vraiment, il y a une grosse communauté à Singapour qui nous écoute. Il y a pas mal de gens aussi, des Anglais, pour le fun. Et il y a 2-3 mecs de Strasbourg qui ont plus les DNA depuis longtemps et qui vont que se rattraper comme ça. Donc, qu'a-t-il dit en substance? Alors, bah, quelqu'un veut raconter, moi je vais raconter. Est-ce que quelqu'un sait faire la voix d'Abid Diarra? Je risque d'avoir la voix. Non, je ne pas là-dedans. Ça m'est hyper mal. Globalement, il a demandé à ce que. Est-ce que vous étiez content du match? Ouais! Est-ce que vous trouvez qu'on mérite d'être encouragé depuis la première minute? Ouais! Enfin, c'était un peu. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? C'était un petit peu ça le truc, donc c'était une demande un peu. Voilà. Une demande d'encouragement, de reprendre les encouragements dès la première minute du match. Ah, voilà. Genre, en fait, si je fais un mariage et que le DJ me plante, j'appelle Abid Diarra. C'est ça. Donc ça, est-ce que vous pensez que ce mariage, faut mettre de l'ambiance pour les mariés bip bip pour Gérard et Chantal. Ouais. Je sais pas trop si ça a eu l'effet escompté, mais bon. Alors, moi, j'ai entendu, hein, on n'est pas dans le secret des dieux. Hein. Ah, on avait UB90+, qu'on payait l'année dernière. On l'a plus parce que ça a augmenté à cause de la grève, ils ont plus d'argent. Hein, donc on n'a pas pris, mais j'ai entendu qu'il avait rencontré les responsables des associations et qu'ils ont eu une discussion. Et pas que lui d'ailleurs. Oui, il y avait un mec, Guéladoué. Voilà, un autre joueur, Guéladoué, qui est venu accompagner et qui a d'ailleurs beaucoup plus parlé que notre capitaine. Que Abid Diarra. Bah, Abid Diarra, il parle quand il a le micro et qu'il y a la caméra qui se braque sur lui. Quand il est en face à face, c'est visiblement. Alors que Guéladoué, c'est. Plus, alors moi, je pense qu'on peut tous les deux. Est-ce que ça nous suggère d'intéresser? Je n'en sais rien. Ouais. On peut ça s'est passé après le discours, on est d'accord. Bien sûr. Okay. On peut tous les deux les inviter à Radio Show, évidemment. Ah bah oui. Évidemment. Bah évidemment. Mais en plus, je pense qu'Abid Diarra, il n'habite pas loin. Franchement, sans déconner, je pense. Hein. Enfant du club. Ouais, ouais, il doit habiter quoi? Pont-Suchard, un truc comme ça? Oui, c'est ça, grand max. Grand max. Donc voilà, cordialement invité, Abib, Gela, c'est ça? Hein, parce c'est que ça, c'est Gela. Genre des mecs qu'on n'aurait pas eu sans Bloco. Donc en gros, est-ce que comment on peut comprendre ce discours? L'analyse. L'analyse. Quel est l'enjeu? C'est ça qui est important. Pourquoi il fait ça? Ça fait un bruit dégueulasse, pardon. Pourquoi il fait ça à ce moment-là? Pourquoi il fait ça pas à un autre moment? Pourquoi il y a eu d'autres grèves, on peut le dire, dans le passé des UB et d'autres? Sûrement, on sent les supporters par exemple. Il y a 10 ans, 15 ans, ça est arrivé. Et pas il y a 10 ans, mais plutôt 15, 20 ans. Et ça n'est jamais arrivé. Alors pourquoi là, Abid Diarra vient et pas? La temporalité interroge. Hein, quand même. Non, il y a eu d'autres matchs. Pour moi, elle n'interroge pas. C'est sûr qu'on n'a pas vu Abid Diarra venir fin novembre. Voilà. Fin novembre, quand les résultats étaient au plus fond, ou quelque part, ça avait une certaine légitimité en train de dire ouais, on va pas bien, on a besoin d'un petit boost, un petit plus, venez. Non, il vient juste parce que ça commence à rigoler. Les résultats commencent à rigoler, et tant mieux. Et du coup, c'est facile de venir à ce moment-là. C'est certain, mais là, comme tu l'as dit, ça aurait pu venir dans des moments plus difficiles, et ça aurait pu venir aussi en octobre, quand on bat Marseille notamment. Il y a une période où on n'est pas trop mal, hein, surtout le match. Hein. Surtout le début de saison. Oui, ouais, non, mais on est pas mal. Il aurait pu dire remets la deuxième bouteille de Vaqueras, Guéla. Alors, moi j'étais ça à distance. Hein. Il faut imaginer, je suis dans le Haut-Rhin. Je n'ai pas de réseau. C'est l'aura. Genre, il neige. Oui, bah oui. Il neige, mais pas le. Non, des trucs bizarres. Hein. Il neige du pire. Et je me dis, et là, on m'envoie des messages. Genre, les gens m'appellent, c'est nous. Je ne sais pas, je ne suis pas sur place. La tartiflette est bonne, mais je te dirai après. Et moi, je me dis, peut-être que juste Abid Diarra, il sent qu'il y a peut-être une opportunité d'aller chercher l'Europe avec le Racing. Et il se dit, j'ai envie de mettre toutes les chances de mon côté. C'est peut-être ma dernière année. Ouais. Non, là, je joue tout à 100%. Genre, si le public me pousse, peut-être que je cherche la Coupe d'Europe. C'est magnifique. Et là, je fais salut les cons, salut les gars et truc. Et en fait, peut-être que juste foncièrement, il avait envie. C'est possible. Envie, peut-être. Une autre possibilité, c'est effectivement suite à ce bon résultat. C'était un bon résultat, faut le dire. C'était un super résultat. Il y a eu il y avait eu un nul à Marseille. C'était vraiment une bonne série là quand même dans l'ensemble. Il y a cette fameuse ce que les gens appellent la scission ou la fracture Il y a dans ce tribune une fracture. Exactement. Alors, on ne va pas rentrer dans la question de qui est responsable ou pas, parce que je vais vous dire, là j'ai un verre de rouge à la main, il y a une bouteille ouverte, on peut en parler jusqu'à 2h du matin. Mais il se dit, peut-être, ou le club se dit, peut-être, dis donc, là, les supports d'Amal, je peux pas pour l'instant. Les supports. Moi je peux. Le Vaccara, c'est bon. Mais elle me dit quelque chose, cette bouteille. Est-ce que j'aurais pas oublié ici un jour? Pas oublié, mais ramené sur ma. Donc le club se dit, est-ce que j'ai pas oublié cette bouteille? Le club se dit, pardon. Il y a quand même une masse de supporters, de clients, que pendant le mois de novembre, ils sifflaient nos joueurs et tout, mais c'est des gens quand même qui ont une certaine sensibilité, se rendent compte quand tout d'un coup c'est mieux, ça gagne, et ils aiment bien ça. Et de l'autre côté, il y a des gens un peu casse-pieds. Un peu comme le sparadrap sur le doigt du capitaine Haddock, donc ils sont toujours là à rappeler il est un bol du club. Alors, pour les gens qui sont plus jeunes, le capitaine Haddock, c'est bien sûr un ancien capitaine du Racing en 1982-83. Tout à fait. Je crois que c'est Jean-Eudes Haddock. Et donc, c'est peut-être un bon plan, un bon moment où on pourrait choper encore plus l'adhésion du public, la faire se tenir cohérente. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Amalgamer, voilà, et prendre masse. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que trouver un ennemi commun dans ce cas-là? Alors, c'est un truc, c'est une recette, elle doit avoir l'ennemi commun. Genre, on pourrait dire c'est la faute des juifs, mais là, on dit c'est la faute des juifs. Voilà, exactement. Et c'est un timing parfait pour ça. Et je dois dire qu'Habib Diarra, heureusement que c'est pas ça, heureusement que c'est parce qu'en fait il veut jouer l'Europe et que c'était une opportunité. Bah oui. Mais imaginez si c'était ça, ce serait franchement une manœuvre vile et assez basse, étant donné le passé entre les UB et le club. Voilà. Alors moi je suis pas des UB. Je suis pas des UB. Mange pas ce pain-là. Ouais. Donc je dis ça, j'en sais rien moi ce qui se passe. Personnellement, moi, je viens de. Enfin bon, j'ai rien à voir avec tout ça. Mais voilà. Bref, continuez. Ouais, est-ce qu'on est un petit peu sur Diarra ou est-ce qu'on enchaîne tout de suite sur la prochaine victoire du Racing? Spoiler, c'est une défaite. C'est la seule. Alors, profitez-en bien. C'est la seule défaite de la série. Mais on va la savourer parce qu'elle a quand même. Et le dernier but encaissé. Dernier but encaissé. Relancer une équipe en perdition. Voilà. Ouais. Alors. Alors ça, avec ou sans Blouko, on l'a toujours fait. C'est l'ADN du club. Ouais, ça, c'est l'ADN. Là, le vrai ADN. Il y a quelque chose qui n'a pas été perdu. Ouais. Moi, personnellement, j'étais au match. Ouais. Parce que je me dis, un dimanche soir, c'est encore janvier. Non, ouais. C'est à la limite entre janvier et février. C'est sur à cheval sur les deux. Aller à Rennes pendant les inondations pour voir la misère du monde. Et je parle pas des inondations, je parle du match de football. Je suis là, le grand reporter. J'ai mon gilet pare-balles, et mon gilet de sauvetage, les deux. C'est un peu lourd. Et j'ai un casque, si moins pratique pour nager, mais et je suis là, je sens. Et j'ai un ami rennais à qui j'explique un peu le truc. Et ça c'est comme un enfant. Parce que lui ne connaît pas Blouko. Il y a Pino. Voilà, il y a. Et donc je lui dis, tu vois, genre Santos, c'est un bon joueur. Sans Chelsea, on l'aurait pas eu. Petrovic, c'est un bon joueur. Sans Chelsea, on l'aurait pas eu. Lui, je sais pas comment il s'appelle, mais il est pas bon. Tu vois, genre. Et je lui dis, Emega, c'est pas un bon joueur. Mais là, il marche sur l'eau. C'est Jésus depuis le début, depuis qu'il est revenu. Justement, jusqu'à là, je lui dis, c'est Jésus. Généralement, il lui faut 3 occasions. Enfin, 4 occasions pour mettre. Une frappe cadrée, et là en ce moment il a un ratio de. C'est l'inverse, il fait 4 occasions, 3 buts. Moi je pense qu'Arène il a marché sur l'eau de sens propre. Voilà. Il a marché sous l'eau. Oui. Et donc le match est chiant possible, hein. On va pas se le cacher. C'est un match, on domine de la tête et des épaules, on a 5 occasions énormes, notamment avec Emega. Surtout avec Emega. Que avec Emega. Et on arrive au dernier quart d'heure et on est toujours à 0-0 alors que. On doit mener par un ou deux buts d'écart sans problème. Sans problème. Je trouve pas qu'on domine, mais on a les occasions. Alors, on a les occasions. Le Vaccaras. Le Vaccaras, c'est bon. À lui tout seul, il a 1,1 XG, Emega. Hein, non, mais c'est colossal. Il est, et en fait, il n'arrive pas, il commence à vendanger. Et Rennes n'est absolument pas menaçant. Absolument pas menaçant. Et on se dit, bon, à défaut, on va faire un 0-0 à l'extérieur et tout. Non! Qu'est-ce qui se passe à la dernière minute? Erreur de marquage. Ouais. Oui, on va dire ça. C'est qui? Je sais plus, c'est un mec qui est rentré, je crois. Non, c'est Ludovic Blas qui marque. Ouais, c'est non, chez nous, marquages. L'erreur de marquage. Parce que clairement, chez nous, c'est... C'est pas Moreira qui est suspect. Moreira, il dévie la balle qui tombe dans les pieds de Blas, et Blas... Non, mais il y a quand même... Enfin, l'équipe est pas en place. Parce que normalement, il a pas la balle, Blas. C'est sur un corner. Ouais, oui, mais justement, si tu fais bien le truc. Et là, Petrovic ne peut rien faire. Hein, parce qu'on se fait fusiller... Complètement. Et du coup, Habib Bey, le nouvel entraîneur de Rennes, il démarre bien, non? Quel talent, putain. Ah mais qu'il a tout appris à Strasbourg. On aurait dû le garder. En plus. Mais on aurait pu l'avoir. Hein. Moi, j'avais entendu qu'il était dans les tablettes de l'ancien président du Racing Club de Strasbourg à la place de Laia Monseigneur. Qu'est-ce que tu insinues par là? Bon, et qu'est-ce qu'on... Voilà. Et alors, juste aussi pour faire le truc, c'était intéressant. Côté parkage, 15 minutes de grève... très bien respecté, on l'a bien arrêté sans alcool, mais il y a des galettes saucisses, tout va bien, bon, ça va, on fait le truc. Côté Rennes, 90 minutes de grève de l'ensemble du stade, avec juste, vous voyez un peu le cop à la Méno, il y a juste une petite bande de gens en bas qui chantent, ouais. Ouais. Pareil. Mais ah ouais. Pas parce que les gens sont pas contents, hein. Non. Juste parce que c'est des grosses feignasses. Ouais, voilà. Et alors par contre, 90e minute, Brésil, football 98, tout le monde debout, des tambours, qui les gens achètent des tambours, n'importe quoi. Il paraît. La joie, la bonne humeur. Voilà, mais très très, tant mieux pour les Rennais, hein, parce qu'ils en avaient besoin, plus oui, que nous, hein, genre. Non, puis Rennes, oui, on s'en fout de Rennes, c'est ça le problème. Voilà, donc Rennes, la tuile, Habib Bey. On n'arrive pas à s'énerver. Hein. Ah, donc Habib Bey, un coach formidable, bah, évidemment, qui affronte l'AM Monseigneur. Ouais, un coach formidable, ouais. Évidemment. Donc, une belle équipe. Et franchement, moi, je retrouve une petite similarité. Non, mais non. Ah, tu parles pas. Ouais. Bah, au niveau de la tête, quoi. Oui, c'est ça. Au niveau des lunettes, peut-être aussi. Ouais, aussi. Non, et mais les mollets. Les coachs un peu modernes et tout, qui font genre une bonne saison et qui derrière, les mecs se voient coacher le Barça au minimum. Ouais, bon, enfin. Ouais. Mais on en reparlera en fin de saison. Genre, est-ce que l'IAM va pas trouver que le Racing c'est pas assez bien pour lui? J'espère. On peut avoir. Après cette petite défaite qui remet bien, voilà, on met l'église au milieu du village. C'est ça. Il y avait une interlude après. Mmh. Oui. On remercie Jean-Luc Darki, hein, qui merci Jean-Luc. Super Jean-Luc. Voilà. Jean-Luc. La Coupe de France, oui. La reine des compétitions, la vieille dame. C'est pas là que sort dans la presse quotidienne un article où on reparle de Coupe d'Europe, de Coupe d'Europe et de la. L'Europe par le championnat ou par la Coupe? Par le championnat et que Liam serait assez nerveux. Mais c'est pas entre justement Rennes et puis Angers. Non, là on fait juste après, je sais pas. Non, avant Angers, on redonne les objectifs. Genre, il y a un boulevard. Genre, là, on a à nouveau le message de l'équipe, de l'entraîneur, de tout le monde, hein, tout le monde United. C'est, on veut l'Europe. Genre, on la veut. Parce qu'au début, on a dit, on veut l'Europe. Après, on a dit l'Europe, mais en fait, on voulait pas dire l'Europe. Ouais. On voulait dire, genre, je sais pas, Chypre, peut-être. C'est ça. Après, là, ça ressourit, donc on dit on veut l'Europe, qu'on a deux portes ouvertes pour l'Europe, la Coupe, le championnat, on joue les deux à fond. Et ça se sent peut-être immédiatement. Sachant qu'on n'a peut-être pas l'équipe non plus pour jouer les deux, parce qu'on a quand même prêté tous les joueurs qui ne jouaient pas. Alors ah oui, il y a Mercato. On a complètement oublié le festival de déplacement de Mercato. C'est vrai que les agences ont fait plaisir avec Strasbourg, hein, vu les prêts. C'est vrai que nous, on ne peut pas dire, parce que là, c'est à tort qu'il y a tous les chiffres. Ouais. Hein. Mais effectivement, genre, là, on a deux nouveaux joueurs, hein, dont les noms sont imprononçables. Oui. Aubameyang, hein, oui. L'Irlandais. Ou Dembélé, c'est comme on veut. C'est Aubameyang ou Dembélé, c'est une fusion. Et Barco, ça c'est facile, Barco. Ouais. Et un autre. Ah, encore un autre. Mais un ailier inconnu de 18 ans anglais, avec un nom, avec un tiré au milieu. Ah, il y a eu une question. Oui. Il y a eu une question sur lui. Il y a quelqu'un qui demande s'il est porté disparu ou pas. Mais oui, il y a une question. Alors, on la pose Barco ou pas? Barco très intéressant, parce qu'il a joué contre Lala, hein, du coup, dimanche. Hein. Ça faisait Barco Lala. Attention. Hein. Revenons du coup, alors. Ouais. La question. Le Barco Latino aussi, ça, c'est tous les gens qui ont plus de 50 ans savent ce que c'est. Et puis après, il est très lumineux, mais ça, c'est les gens qui ont fait des PowerPoint. Ouais. Avec un Barco. Avec un Barco. Bon, alors, c'est bon, on a tout fait. Il s'appelle Amo Ameyo. Oui, même. Samuel Amo Ameyo. Et donc, c'est qui? Alors, c'est un joueur de 17 ans qui est prêté de Southampton. Voilà. Et qui joue le match contre Angers. Alors. Ah bon, il joue? Oui. je vous pose la question quand même, Minitel, parce qu'il faut les poser. Oui, oui, non, bien sûr. On a des auditeurs. Alors, d'un certain, alors c'est sur Twitter, enfin sur X, Jean-Marc Darkifleur qui demande. Est-ce que je ne connais pas cette personne. Je ne sais pas qui c'est. Est-ce que vous avez des nouvelles de Amo Ameyo? Voilà. Bah, il a joué contre Angers en Coupe de France. Il a démarré le match et voilà. Puis il a disparu au fur et à mesure. Il a 17 ans, il allait réviser son bac voilà. Et, ouais. Et puis on n'a plus de nouvelles. C'est-à-dire que le mec est plus vieux. Ah bon, bref. Mais il peut prêter, hein, c'est ça hein. Oui, par ouais. Southampton. Mais avec option d'achat. D'accord. Ouais, obligatoire de 150 000 euros. Si Southampton tombe. Je fais des trucs. Voilà, mais une très bonne question. Donc, je ne savais pas que ce joueur existait. Donc voilà. Genre... Voilà, il a joué. Et donc en fait, le match du coup, comme c'était la possibilité de jouer l'Europe sur deux tableaux, bah, ouais. Liam Rosenior nous fait l'équipe type pour le match de Angers. Ah bah oui. Mmh. Eh ben non. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous balance une équipe avec deux ailiers de 17 ans. Oui, il y a Messi. Évidemment, il y a Ryan Messi. Enfin, il y a. Qui avait déjà performé en Coupe de France. Attends. Et il n'y a surtout pas Emega, hein, qui mine de rien, quand il se blesse à Paris. C'est là qu'on commence la mauvaise série, et donc il est suspendu. Hein, c'est la Emega dépendance. C'est la Emega dépendance. Hein. Vous savez, bah, vas-y. On commence avec Mara devant. Oui, je me demande quel est son vrai poste, ce joueur. Hein, quand et Abakar Sylla en défense centrale. Et Abakar Sylla en défense centrale. Abakar Sylla qui, donc, deux jours avant, devait signer à Southampton. Puis, et qui, après à part, un jour et demi avant, devait signer à part. Donc, qui, a priori, aurait refusé. Donc, on avait une équipe un bis, on va dire. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouh, tu veux une feuille? Pardon, ça, c'est les coulisses. Ouais, c'est pas vrai. Une feuille, c'est pour rouler des gros joints. Ouais, évidemment. C'est bon. C'est bon? Non, on a du matos, hein, grâce à Bougo. Merci. Ouais. Enfin, du matos, quand je dis du matos, c'est des feuilles, hein, bien sûr. Pas du tout de drogue à Radio Ch'tou. Et du coup, ce match de Coupe de France, il se déroule très bien. Bah, alors, moi, personnellement, j'étais allé manger des tartes flambées avant. Enfin, je sais que tu allais discuter avec la plèbe. Enfin, tu es allé, distribuer des tracts. Ah oui. Enfin, tu discutes pas beaucoup quand tu distribues des tracts. T'as distribué des tracts? Oui, parce qu'il y avait une distribution de tracts. Pour la CGT. Voilà. Pour expliquer la position des associations. Ouais, ça passe bien, ça. Voilà. Ouais, ouais. Et donc 99,99% des gens te font des doigts. Merci. Non, ils prennent le tract, ils regardent leurs chaussures et ils rencontrent une. Ok. Et personne n'a discuté. Si, il y a 1%, 1% des gens. Non, même moins de. Personne n'a. J'ai vu une personne qui a voulu entamer le débat au moment du tract en disant qu'il n'était pas d'accord. Et ce qui paraît normal de ne pas toujours être d'accord avec ce qui est dedans. Et de vouloir discuter. Les autres gens prennent le tract, baissent les yeux, rentrent en tribune. Arrivé en tribune, ils sortent leur téléphone, ils prennent une photo de tract, ils le mettent sur les réseaux sociaux et ils disent « Oh, trop nul !» Alors qu'il était super bien écrit en plus. Mmh. Oh, les courageux, c'est pas ce qui manque. Hein. Mmh. Surtout les plus actifs des réseaux sociaux. Donc voilà, du coup ça c'était la vie de Roulian. Moi personnellement, j'étais allé manger les tartes flambées. Oui. Et après, on me dit « Est-ce que tu prends un dessert ?» Je dis « Oh, je sais pas, parce que quand même, attends, ça, il faut faire attention à sa ligne. » Et je dis « Bon, allez, un dessert, mais genre un petit café avec peut-être du whisky et de la chantilly. » Plateau de fromage avant ou pas? Non, ah. J'aurais dû. Ouais, mais je pense. Voilà. Bref, j'arrive au stade, 1-0. Je me dis, à ce moment-là, il vaut mieux prendre une bière. On a perdu pour perdu. Ouais, ouais. Je prends une bière, 1-1. Je dis, putain. Je dis, bon, là, j'ai le temps de finir ma bière, il ne va plus rien se passer. Je rentre en tribune, 2-1. Et le doublé du même joueur de Angers. Esteban, un Alsacien. Enfant du soleil. Ouais, Esteban Zia, Tao, tout ça. Les cités d'or, bah oui, bien sûr. Et donc, du coup, j'ai pas vu grand chose du match parce qu'après, c'était vraiment nul en fait. Après, il y avait une ambiance de merde. Les gens disaient, râlaient un peu quand même sur Rosenior en disant putain, c'est quoi, c'est le compo de merde. Il nous a balancé la Coupe de France alors qu'on avait une occasion en or d'aller. Parce que là, c'était un 8e. Mmh, ouais. On aurait une chance en or d'aller en quart. Et à côté de ça, il s'est avéré qu'effectivement. Le truc, il n'y avait que des tirages, enfin des équipes de merde. Allez-y. Angers a reçu Reims ensuite, et que là, Angers et Paris, c'est. Non, Reims et Paris, c'est vite, hein, en demi. Donc Reims va aller en finale. Donc Reims, Paris en finale. Enfin, ils sont capables. Attends, parce que. Il y a des surprises dans cette Coupe de France, on va pas se le cacher. Voilà, donc un match. Du coup, voilà, ça pousse doucement en deuxième période, et à un quart d'heure de la fin, on prend le troisième pion. Les gens partent, hein, c'est ça hein, merci, au revoir. Oui, des fans hardcore, supporters jusqu'au bout de tout, il faut supporter tout le temps. Mais le Racing a beaucoup d'actions en contre, de cases en contre, mais quand il s'agit de poser le jeu et de faire le jeu, c'est bien plus compliqué, mine de rien. Après, c'était un peu naïf de croire qu'Angers c'était le chemin ouvert vers la finale, puisque Angers nous a quand même niqué en coupe un nombre incalculable de fois. Deux fois déjà. On se rappelle à la Méno il y a trois ans. Mmh. Avant de battre Königshofen. À la Méno aussi. Ouais, à la Méno aussi. Et plus loin, j'ai un souvenir à Angers, pareil, où on avait dit oh, le tirage, ouais, c'est bien, on joue à Angers, c'est, ils sont pas trop forts et tout, et bam, éliminé aussi. Mais c'était pas à la Méno. Non, c'était au stade Raymond Coppa. Donc voilà, bon. L'un dans l'autre. Moi, je pense que l'AM Rosenior, en bon manager qu'il est, il applique la technique dite Christophe Colomb, c'est-à-dire qu'il arrive aux Amériques, il coule les bateaux pour dire, les gars, on est obligé de... Ouais. On y va. C'est maintenant, c'est le championnat ou rien. Ouais, non, c'est pas con. C'est ça, bien sûr, évidemment. Évidemment, il pourrait même vendre les meilleurs joueurs, tu vois, histoire de... Ouais. Et là, on y va, on va à la guerre. Ouais, et par là, imagine, on se qualifie pour l'Europe, boum, tu revends les meilleurs aussi. Ouais. Et tu reprends des mecs de 18 ans. Ça, ce serait... Ça, ce serait énorme. Donc Angers, l'Europe ou la mort, mais il reste l'Europe par le championnat. Mais là, ça nous amène, on joue Montpellier. Montpellier, ouais. Grosse équipe. Là, j'étais pas là. Équipe formidable. Qui joue l'Europe, hein. Ouais. Champion de France, il y a quelques années. Et pourquoi pas champion. Ça aurait pu être nous. Hein. Ça aurait pu être nous. Ouais. Heureusement. Non, mais globalement, c'est un match de merde. Montpellier, ils sont nuls à chier. On gagne 2-0. On aurait pu gagner 4-0, enfin, c'était pareil. En plus, tu sens l'équipe qui va pas bien, jusqu'à 0-0, ça tient, puis l'équipe prend une première minute derrière. Après, souvent, on a été les victimes de Montpellier, où ils étaient quand même nuls depuis des années, et ils nous mettaient quand même des pions. Là, cette année, c'est un peu un prêté pour un rendu. On s'est vengé. Ouais. J'ai vraiment pas de souvenir de ce match, en fait. C'est méga marqué dans les arrêts de jeu de la première. C'est ça. On prend le but à nous aussi. Moi, je crois qu'en demi-heure, on a quand même failli prendre 2-3 buts faciles. Savanier prend un demi-heure, il est partout sur le terrain. Il distribue des grosses ouvertures. Et heureusement qu'il les met pas. Et après, par contre, on reprend le. Sur le but où effectivement, Emega, il est très très très limite hors jeu. Même le club, dans toute sa communication, on dit ah oui, bon, Emega était très très limite hors jeu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était hors jeu. Hein, voilà. Et selon Arsène Wenger, non. Il vole le but à Nanassi, mais Nanassi met le deuxième en deuxième période. Ouais. Ouais, ça finit à 2-0, mais en deuxième période, il n'y avait plus rien. Ouais. Tu jouais contre un fantôme en face. Quoi. Le fantôme de sans Montpellier, Ligue 2. Et sans Bouco, on serait peut-être à la place. Évidemment, parce qu'on était à l'article de la mort juste avant. Oui, bien sûr. Évidemment. Toutes ces années où on s'est tapé de la gestion de bon père de famille. En fait, il y a un moment, c'est pas possible. Soit ils nous savent avant, alors, soit au moment maintenant. Mais est-ce que Marc Keller, ça serait pas Xavier Dupont de Ligonnès? Bon père de famille, et en fait, quand tu grimpes le vernis, le mec, il a déjà hypothéqué la maison. Ouais. Il a déjà tué le chien pour en faire de la viande au kebab du coin. Chercher les cheveux rouges. Hein. Il a fait de la show avec Alain Perrin. Voilà. Jean-Pierre Perrin, non, comment il s'appelle? François Perrin. Jean-Pierre Madère. Julien Perrin. D'ailleurs, à propos, le Vaqueras, c'est famille Perrin. Ouais, comme quoi, hein. Il y a des bons pères. Hein. Ouais. Donc voilà, Montpellier, bon, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ce club de merde. Non. Le Frérico. Alors là, évidemment, on se devait d'inviter Calcio, le spécialiste du Frérico. Ouais. Le Frérico, belle ambiance. Le Racinico. Toujours un plaisir d'aller là-bas, hein, même si j'y étais pas. Mais avec nos frères Lançois. Donc on était deux à être au Frérico, hein, avec quelqu'un. Et un arrêt préfectoral, hein, ce que beaucoup de gens, je lisais, ne comprenaient pas, puisqu'on est tellement amis avec nos frères Lançois. C'est dingue, hein. Ça, c'est... Voilà. Donc, je crois qu'on n'a pas le droit de se balader avec le maillot d'Ernest Seca en plein centre-ville de Lens. Par contre, le maillot d'Ernest Seca dans aucune condition. Est-ce que le maillot de Valérien Ismaël et de Pascal Nouma, on pouvait le porter? Oui, David Régis. Il a aussi joué à Lens? Ouais. Oui. David Régis, quelle légende. Coupe du Monde 98. Olivier Dacour, Pascal Nouma. Mais... Exact. On fait que les grands. Le quiz, c'est ça? On m'a pas prévenu. Non, le frère Église, bon. Donc. D'abord, alors, on peut demander à ceux qui étaient, vous y étiez, est-ce que vous avez été accueillis à bras ouverts par les frères? J'ai pas l'impression. Mais... Non, pas spécialement. Mais... Non. Non, on nous aurait menti. Mais après, on n'a pas, pas pu déambuler sur les voies de tram, de trucs, aller boire des sus toniques avec les gens de Lens. Hein. C'est un peu le... Genre, tu sais, moi, là-bas, tu vas là-bas, t'es un peu le moine évangélisateur, tu sais, tu distribues des broquilles. Ils te demandent comment c'est l'électricité. Mais dites-nous, c'est comment. Mais par contre, j'ai vu qu'ils vous ont un petit peu agressé avec leur playlist de la mi-temps. Voilà, on peut tout de suite parler de la mi-temps, c'est quand même le moment le plus intéressant du match. À la mi-temps, alors moi, j'en sais que je suis pas très télécrochet. Ah bon? Genre, les carpentiers, tout ça, je connais pas trop. Mais on m'a dit, voilà, il y a Marine qui chante. Il y a Marine voilà. Au début, tu m'as dit, Non. Voilà. Ce n'est pas la Marine nationale qui chante les chœurs, les petits chœurs de la rade de Brest qui aurait pu chanter. Évidemment. Mais donc elle chante les chœurs. Hein, un truc hyper original. Oui. Parce que c'était un hommage, non ? Un hommage à Pierre Bachelet pour les 20 ans de la mort de Pierre Bachelet. Est-ce que c'était réellement un hommage ? Je crois pas. Non, moi, alors je trouvais que c'était pas Pierre Bachelet. Alors nous, depuis la télé, parce que alors, vous y étiez, vous faites vos histoires de hooligans, hein, enfin de syndicalistes et cégétistes de merde. Non, moi j'étais chez moi et j'avais un bon. Enfin, ça passait. T'as le Dolby Surround, toi. Voilà, l'image passait. Du coup, t'as abonné, ouais. T'es en euros, t'es comme un tort, là, les premiers abonnés. Moi, j'avais un streaming thaïlandais et je peux dire que c'était quelques jours. Et donc, parce que le frérico en thaïlandais, je vous laisse imaginer. Est-ce qu'ils ont doublé Marine? Mi-temps, je suis allé pisser, ça a duré un quart d'heure. Ah ouais. Eh ben, Marine, ça a duré à mon avis 3 minutes, on aurait dit 20 minutes. Un enfer. Moi, je connaissais pas cette chanson, déjà. j'ai absolument rien compris. Parce qu'il y a des histoires de ciel, enfin, on s'en fout. Mais, ce que le plus beau que j'ai trouvé, et c'est non ça que je vais vous raconter, et je mets énormément de temps à vous le raconter, cette chanson est visiblement assez populaire dans la région. Je te comprends. Et les gens avaient l'air de connaître. Mais quand même, au cas où, je sais pas si vous avez vu depuis le stade, mais sur les machins électroniques où il y a les pubs, ah, ils mettaient les paroles, ouais. Ils précisaient les corons. Juste au cas où les mecs se sont mis à chanter ta ta yo yo. Non, c'est les corons. Ah merde, oui. Donc ça m'a beaucoup plu. On aurait dû laisser Filzer chanter. Les corons. Ah oui. Ah ouais, les gars. Il y a plus la voix de. Tu sens plus un Filzer culturel pour les corons qu'une nana avec une voix un peu genre soprano, tu vois. Je sais pas ce que c'est un soprano. Mais c'était pas très con. Mais on va dire que soprano, c'était formidable. C'était formidable. Ouais. C'était formidable. Ouais, je dis pas. Et ce qui était encore plus formidable, il y a eu un match. C'est que on a bien niqué Lens. Ouais. Et ça, c'est la deuxième période. C'était formidable. Oui, la première période, c'était chiant. On va dire. Je pense que les joueurs du Racing, ils avaient les boules de la chanson. Ils avaient peur. Ouais, c'est ça. Ah, oh, voilà. Et du coup, je pense qu'il a bien raté. Genre, ils chantaient le Hansim Stockholm dans le vrai théâtre. Hansim Stockholm. Ouais, pour contrer, là, France 98, Racing 2025. Il a pas pris le micro à la mi-temps, là, pour que le coron soit chanté. Bah ouais. Bon, on a bien bénéficié d'un carton rouge, quand même, aussi. Ah oui. Alors, un peu la bascule. Hein, c'est comme le Vaccaras. Alors, pour le coup, celui-là, je pense qu'il souffrait de pas beaucoup. Ah bah non, il n'y a aucun problème. Il est juste débile. Même les Lensois, je connais des Lensois. Mais on peut peut-être parler quand même du premier but avec l'action où ça fait. Et Méga Barco, Bakwa, là, où, honnêtement, c'est, depuis le match de Lille, on avait marqué un super but de Nanasi, je crois. Donc, c'était vraiment bien construit. Putain, celui-là, il est, entre l'ouverture de Barco, le contrôle nickel de Bakwa, il élimine le mec, t'as l'impression que l'autre, c'est un piquet de ski, quoi, il n'existe pas. Et après, du coup, le gardien, obligé de choisir un côté, il marque, en fait, c'est comme un péno, quoi, il marque dans le vide. Ouais, une ouverture lumineuse, Barco. Ouais, c'était un super joli but, toi. Est-ce qu'on peut, Bakwa dépendance? Bakwa dépendance, complètement. Et surtout qu'après le deuxième but, il fait aussi sur un coup de pied arrêté Lensois, tout le monde dans la surface, il y a un contre et Bakwa il fait tout, il peut y aller tout seul mais il temporise et il l'envoie à Méga qui marque dans le but. Exactement. Vous précisez que Lens, ils sont en soins palliatifs, hein, plus ou moins. Hein, ils ont enlevé lourdé toute la défense, ils ne peuvent dire rien. C'est vrai que Lens, c'est le correctif est assez violent. Ils ont, c'est pas spoilé, mais là on est quelques jours après la dernière journée de championnat où ils ont perdu à Nantes. Oui. Donc mais ça remet quand même en perspective le truc, quoi. Mais après, je pense qu'ils ont anticipé l'histoire des droits TV, machin. Oui, bien sûr. Ils ont vendu leur Ouzbek pour combien? 70 millions d'euros à City, je crois, City, un petit comme ça. Ou 60 millions qui d'euros. Qui était, je sais pas si vous vous souvenez, le Radio Stubb. Bon, je sais même pas si on en a parlé, mais après le Strasbourg-Lens. Parce que moi, ça m'arrive très rarement, mais c'est une des rares fois en 15 ans où quand je suis dans le stade, dans la tribune, je dis à mes voisins, vous avez vu le défenseur central là, de... alors qu'on ne connaissait pas à ce moment-là. Ça m'arrive jamais, je n'y connais rien. Kourchanov, Koglanov. C'était bon, bref. Mais je veux revenir à un truc. Puisqu'on est simplement, évidemment, les équipes font ce qu'elles veulent, elles vendent les joueurs, ils ont besoin de préparer l'avenir. Mais quand même, d'un point de vue sportif, c'est quand même moyen. Alors nous, on n'a rien à dire, hein, parce qu'on est des sbires de la multipropriété, donc de toute façon, on est là pour complètement enculer le système sportif et tout ça. Mais je sais pas, c'est quand même pas top, quoi. Ceux qui sont tapés lance en aller-retour ou à l'extérieur au moins, pendant la phase aller, ils doivent l'avoir un petit peu mauvaise de voir que maintenant... Tu parles d'équité, là? Ouais. Mais on s'en branle, c'est une histoire de pognon, allez. D'accord. C'est bon. Du football, il n'y a pas d'équité. Hein. Oui, non, je ferme ma parenthèse. Non, ma parenthèse très intéressante. Mais enfin, je savais pas que Bogdanov jouait alors, ce mois, par exemple. Ouais. Lequel des frères? Bah, celui qui est mort. Ah oui. Les deux. En écoutant le com. Ouais, bah, probablement. Une belle mort. Bref, non, mais c'était... Moi, je l'ai vu à la télé, hein, forcément. Parce que, bon, moi aussi, je te dis, sur le site thaïlandais, j'avais vraiment bien. Et cette deuxième phase, c'est... Il y a quand même une info, c'est que le frère Rico est diffusé en Thaïlande. Oui, il y a une info que les gens doivent savoir. Les gens, mais ouais. Je crois qu'il y a un point commun entre la Thaïlande et les Lensois. Enfin, il y avait une banderole qui en parlait. Bon, bref. les jaunes et rouges, c'est ça. Voilà. Je sais pas. J'ai essayé. C'est de la Ligue 2008. Bref, donc Lens, une belle victoire. Alors, une belle victoire qui n'était pas non plus super attendue. Tout le monde disait attention, Lens, danger, même moi le premier. À part Emega. Oui, et Mega a dit, on s'en bat les couilles. Ouais, on va niquer tout le monde. C'est des petits. Il a dit, c'est des petits. Non, c'était Balerdi. Tu comprends que Balerdi. Ouais. Ouais, c'est pareil, il a dit pour tout le monde. Il a dit, wesh, tranquille. Ah, lui, s'il n'a pas un communicant, quand même, que ça vient que de lui, c'est quoi. Ce communicant, genre, il a 7 ans. Donc en fait, c'était le premier des deux matchs contre des équipes qui devraient croiser notre route pour. Accrocher un strapontin en Coupe d'Europe, on va dire ça comme ça. Là, on peut dire, là on gagne, c'est un match à 6 points. Ah, donc oui. Là, on gagne des points par rapport à Lens parce que c'est une des équipes. Et du coup, la semaine suivante, on reçoit Brest. Brest qui est aussi une équipe. Brest qui joue la Ligue des Champions. Enfin, oui. qui jouait presque. Et donc, du coup, avec un Emega qui marche sur l'eau à marquer des buts dans des buts vides, tout est possible. Bah, là, avant Brest, tout est possible. On est gonflé à bloc. Tonnerre de Brest. Tonnerre de Brest. Jour de tonnerre de Brest. Moscou. Mais il y a quand même eu un événement à Lens qu'il faut qu'on parle. Ah merde. C'est notre défenseur central. Ah oui. Irlandais d'origine. Aubameyang. J'imagine sénégalaise ou. Pas du tout. Quoi. Le mec, il est né Irlandais du Sud. Voilà. Qui a été blessé pendant 2 saisons et là avait fait 4 matchs. On va dire d'un niveau très correct. Ouais, sympa. Et ben il s'est blessé au mollet. Non, au talon d'Achille, on a pris. Entre-temps, c'était à l'arrière de la jambe, mais c'était pas le mollet, c'était le talon d'Achille. La guerre de Troie n'aura pas lieu. Je crois qu'il y a une question militaire. Ah. Là, je suis sur le coup. J'ai fait un Google Drive. Je crois que quelqu'un a dit, nous demander si on avait des nouvelles. C'est ça. Est-ce que c'est la même blessure? Alors, je vous retrouverai après la personne. Mais en gros, je vous la fais. Mais moi, je sais répondre. Faire. Ah, bah alors, vas-y, fais tout. C'est Coma. Sur X qui a posé cette question. Ah oui, c'est Coma, sur... exactement. Est-ce que nous avons des nouvelles concernant la blessure de Homo Bamid? Ah, lui, c'est son nom. Homo Bamidele. Homo Bamidele. Et si cela a un rapport avec ses précédentes blessures? Alors là, on a un avis médical. Est-ce que Coma est-il au courant que les gens de Radio Stub ne sont pas les médecins du Racing Club de Sport? Et ne suivent pas le foot en général, là, non plus. Oui, on n'en sait rien, et le secret médical, tout ça. Donc, il est blessé, il a mal au talon d'Achille, on l'a lu dans le journal comme lui, j'imagine. Ouais, comme tout le monde. Et donc, on n'en sait rien. Voilà. Toujours est-il que notre ami Omid Manemele, il est blessé pour finalement moins long que ce qu'ils avaient espéré. Donc, moins long, ça veut dire quoi? 4-5 semaines? En fait, on ne sait pas. Il n'y a aucune communication. On ne sait pas ce qu'ils espéraient. Ah. Donc, du coup, ça veut dire que depuis, on joue avec qui en défense centrale à gauche? Ah, déjà, on avait une défense à 3 centraux, on passe à une défense à 2 centraux, et le défenseur central gauche est. C'est l'entour de Silla, j'espère. Et évidemment, voilà, ça va de Charib. La pépite de Charib dans Silla, de Mobamidele en Silla. Ouais, bah oui, mais. Donc ça change quand même beaucoup de choses, non? Ben, pour les ça devrait changer beaucoup de choses, mais. Parce que, rappelons-nous que Silla avait déjà joué contre... Ah, il est rentré à Lens. Vu que... Mais oui, forcément, il est sorti au bout de 10 minutes. Il a joué en contre Angers. Et oui. Alors, contre Angers, c'était pas génial. On va pas se le cacher. Non, mais c'est une autre compétition. C'est pas la même psychologie. Ouais, mais il n'était pas prêt. C'était génial pour personne. Ouais. Par contre, contre Lens, clean sheet. Ah, bah ça. Du coup, clean sheet, ça, genre champignon, intouchable, étoile. L'AM Rosenior, qui est intouchable pendant jusqu'au prochain match. Ouais. Puis c'est pas une mauvaise entrée, tout si là qu'il est. Tout si là qu'il est. C'est surtout un très mauvais match de Lens. C'est à peu près une seule. Il faut arrêter de dire que les autres sont mauvais. Tout le monde est mauvais. D'accord. Oui, c'est vrai. Il faut juste être moins mauvais que les autres. C'est comme à l'école. Rappelons à toutes sens utiles que c'est le transfert le plus élevé de l'ère Blouko. Bah du Racing. Et il y en a qui disent... Ah, je sais pas, vous avez entendu cette petite musique, mais c'est peut-être moi qui suis rien. Oui, mais celle-là, elle a été décidée par Désiré. Et c'était un des derniers choix... fait par Désiré, qu'il a vraiment contrôlé, qu'il a fait de A à Z et qu'il a obtenu parce qu'on avait Blouko, ça par contre c'est indéniable. Mais il y a le suivi apparemment depuis des Désiré, années. En fait c'est une grosse merde depuis toujours et heureusement on a Blouko maintenant. Heureusement maintenant Désiré ne sert plus à rien. Voilà. Désiré. Mais on va laisser sa chance à Bakar Silla. Oui. Pour le match contre Brest. Le match contre Brest. On a cité Coma. Ouais, on a cité Coma. Et on répondra d'ailleurs à sa deuxième question. Oui, bah évidemment, à ça, il y a une vingtaine de minutes prévues à la fin. Donc, on reçoit Brest, Ligue des Champions. C'est la Champions League. Brest qui vient de se prendre 7-0 quand même, hein, donc qui est éliminé de... Ouais, mais tu chipotes. De la Ligue des Champions et qui jouait du coup mercredi, donc hier, contre Dunkerque en Coupe de France. Contre Dunkerque. Contre Dunkerque. C'est une petite série. Donc, on les joue entre deux matchs importants. On les joue entre leur fin de saison. Alors du coup, on ne sait pas trop si Eric Roy fait tourner ou si il arrête des joueurs blessés. Parce qu'on ne connaît pas leurs joueurs. Donc si, parce que quand même, il manque Ludovic Ayork. Oui, ça c'est vrai. Et, ah mais on a vu Lala. Je l'ai vu Lala. Incroyable, il n'a pas changé. Je lui ai dit d'ailleurs. Il n'a pas changé. Tout n'a pas changé. Exactement. Mmh. Et oui, non, on ne les connaît pas les Brestois. Donc qu'est-ce que ça fait toi? Si, il y a l'autre. Ayork. Oui. Jonas Martin. Jonas Martin. Ah. Sur le banc de touche. Ouais, voilà, Coupe de France, je crois. Oui. Bon. Bon match. Moi j'y étais. Hein. Là par contre, je peux en parler. Moi j'y étais. C'était un super match 0-0. Ouais. Voilà, je vous spoil, c'est 0-0. Et les XG 0-6-0-6. Donc vraiment. Voilà. Donc, bah, genre de match, on aurait pu jouer 3 heures sans marquer, même si on a quand même une balle de match à la fin. Hein. Et Méga, une balle de match à la fin. Ah, mais eux, ils ont aussi une balle sortie par Petrovic en deuxième mi-temps. Oui. Très très impressionnant encore ce que Petrovic sort là. Oui. Une frappe de Pereira Lage. Et donc, du coup, moi j'ai noté un truc. Merde. Match. Clean sheet. Ouais, clean sheet. Parce que c'est la troisième. Bon, si on compte pas la Coupe de France, hein, ouais. C'est la troisième clean sheet sans compter la Coupe de France. Ouais, ça arrange avec les chiffres. Mais, et les DNA, en bonne organe journaliste de presse d'investigation. Du soir, donc on interviewait Jordan Petrovic, ou je sais pas comment il s'appelle. Jordan en serbe. Et effectivement, là, on ne peut pas nier que un des artisans de ces feuilles blanches, c'est quand même Petrovic. Bah, c'est qu'on n'aurait jamais eu sans lui. Et alors, il y a un petit encart avec la tête de Marc Keller. Apparemment, ils ont juste appelé pour savoir. Est-ce que Petrovic on l'aurait eu avec Blouko, sans Blouko? Non, on l'aurait pas eu. Ah merci Marc, merci. Salut. Hein. Et ça c'est un mème qu'on aurait créé, tu vois, qu'on n'aurait jamais eu sans Blouko, qu'on rajouterait à chaque fois. sur ce match-là. Un barre de 55 mètres de long. Jamais eu sans Blouko. Ça on peut y venir après. Ah, mais c'est vrai. Le truc c'était aussi sur ce match-là, on avait Santos qui était suspendu. Exact. Du coup on a refait monter pour la première fois depuis super longtemps. Doucouré au milieu de terrain. Et on a fait. Pas génial. On avait Silla avec Sarr en défense. Donc Sarr, il a tout bouché parce que Silla, il a des trous, il a fait du Silla. Et Doucouré a fait du rien puisqu'il était de nouveau percutant à la 70e. Il avait déjà des crampes. Donc clairement, et je pense que, avec autant de diplômes qu'il a, notre ami Jean-Pierre Rosenior, il a bien compris que Doucouré, son poste, c'est pas le milieu de terrain, alors que lui il insiste, parce que encore en interview pas plus tard que dans cette semaine, il a encore dit ah, moi la défense centrale je dépanne, mais moi vraiment je me sens plus à l'aise au milieu. En fait il est nul à chier au milieu, quoi. Et c'est, on est quand même bien meilleur quand il y a Santos au milieu et Doucouré en défense, quoi. C'est ça. En même temps, je me dis, pour un mec comme ça qui joue jamais au milieu, je pense pas que le remettre comme ça au milieu, même s'il revendique ce poste, bah, c'est sûr, qu'il soit judicieux. Ah, puis il vieillit en plus, il a quel âge? Il doit avoir au moins 22,5. Hein. Voilà, normalement, le plus on vieillit, plus on recule sur un terrain. Et puis il a refusé quand même de prolonger depuis plusieurs mois. Ouais. Puis où ça va se battre? Il est en fin de saison. Il voulait aller prochaine. Où à Bolzburg? Ouais, à Bolzburg. Il voulait une Golf, hein, une Golf R32, oh, le coquinou. Électrique, électrique. Évidemment. Ouais. Voilà, ça va se battre, à mon avis, pour le choper là. De toute façon. Évidemment. Avec une c'est foutu là. Bon, donc du coup, match bah, chiant. Hein. Oh, mais il y avait l'avant-match, quoi. L'inauguration du plus grand bar de France, donc il y avait une monobloc. Il y avait une question qui nous demandait si on était sûr que ce soit le plus grand bar de France. Et la question. Alors, je vais vous dire par qui. Par notre ami. Ça va venir. Hein. Et la réponse est j'en sais foutre rien, personnellement. La réponse a été donnée, je vais vous la donner, j'ai la réponse en plus. Ah oui, enfin, les questions et les réponses. Donc là, ça vaut vraiment le coup parce que là. Quelqu'un a posé la question, effectivement, je vous la retrouve après. Qui est donc c'est pas Capitaine Fleur qui demande à tacle. Est-ce que tu as déjà fait un radio show? Et toi, est-ce que tu es allé au bar 90+4? Alors je suis passé en descendant en repartant. Oui. Parce que j'avais des darkies avec moi qui voulaient manger des frites. Et il est où ce bar en fait? Sous la tribune. Sous la tribune ouest. Donc quand même, je vais vous la poser. La question c'est est-ce qu'on est sûr que t'as la vie? Et quelqu'un a répondu. Ah, mais c'est Coma qui a répondu. Ah, monsieur. Coma doublé pour sa première citation de Radio Show. C'est exceptionnel. C'est mieux que Mega, ça. Et voilà, la question est de ST Seb. Alors, c'est sur X. Oui. De ST Sébastien, @ S majuscule T majuscule Seb 67. Je ne sais pas trop ce que c'est. Hashtag Mega tiré du 8, André Santos. C'est ça. On remet ça. Voilà. Le 90+4 est-il réellement la plus grande buvette de France ou est-ce un vil slogan sans fondement? Il y a une sous-question. Alors d'abord pour la première question, Coma de Twitter, de X, a répondu oui, effectivement, c'est la plus grande monobloc avec, alors attends, elle est là la réponse, avec celle de Tottenham. Il y a un truc avec Tottenham. Merde, j'ai perdu ta réponse. Bah de France, normalement, par rapport à Tottenham. Ouais. De France, non. Oui. Tottenham. Oui, pardon, j'y vais. C'est bon, ça va. C'est la plus grande de France et c'est la deuxième d'Europe. Tottenham est devant. Voilà. Et sachant qu'on a le même constructeur de stade, là. Populous 2. D'ailleurs, Populous 2, très bien. Mais nous, on vient après. Donc, Populous aurait dû dire. Après Chelsea, après Tottenham. Alors, du coup, on aurait dû avoir un mètre de plus. C'est comme quand tu construis une cathédrale. Oui, mais tu mets toujours un mètre de plus que la précédente. Je suis d'accord, mais voilà, c'est comme ça. Et c'est Coma qui a la réponse. Après, peut-être que la réponse n'est pas la bonne. Mais je pense que c'est véridique. On ne peut pas remettre en cause. Ah, bah non. Question dans la question. Y avait-il réellement de la bière avec alcool? Écrit en majuscule. Là, on a la réponse. Dans la chope avec laquelle Marc Heller a trinqué pour l'inauguration, ou est-ce un complot? Je vous rappelle que Marc Heller ne boit pas officiellement. Mais il l'a dit, hein. Je crois qu'il n'y avait pas de bière dedans. Je pense que c'était du iced tea ou un truc comme ça. Mais il a dit, par contre, la saucisse n'a pas changé. Ça, il l'a dit. Ouais, bon, ça, c'est pas forcément. Mais donc, ce sera un mensonge de plus? Bah, c'est juste qu'il avait une chope avec du iced tea. C'est pas... Mais il a trinqué avec qui? Avec monsieur aveugle, là, apparemment. Le président de Chelsea. Vous avez vu la photo? Oui. Mais est-ce qu'il y a vraiment un président à Chelsea? Mais c'est la première fois que j'entends parler. Alors moi, je suis pas non plus de Chelsea. Hein, là, pour le coup, c'est le congrès des pantins. Oui, ça c'est clair. Hein. C'était. Deep in the go. Le budget de la marionnette. Et toi, c'est qui qui a mis sa main dans ton... Enfin bref. Ouais, mais bien sûr. Je sais pas. Oui, j'avais jamais entendu parler du président de Chelsea. Non. On voit toujours Todd Boehly. Il a les yeux un peu. Et on dirait qu'il va pas bien. Bah, s'il a mis un labrador. Quelqu'un a vu le labrador du monsieur. Non, oui, parce que je. Voilà. Donc. C'est un peu le regard de Sissoko. Mais du coup, la buvette, il y avait qui à l'inauguration? Il y avait Grimm, il y avait. Qui c'est? Dim. Il y avait Seca, je crois. Oui. Oh, c'est vrai. Et Mangan. Mais Mangan qui est toujours là. Bah, il est là. Kader, quand même. Ouais, c'est quand même un plaisir de le voir, là, son but en milieu. Kader, mais ouais, oui. Bien sûr. Toujours. Il travaille toujours au club. Évidemment. Oui. Ah, oui. Enfin, je crois. Oui, ouais. Désiré aussi. Mais évidemment. Est-ce qu'il était là? Du coup, moi, je suis passé à la buvette. Non, je crois pas. Et tiens, Dimitri, alors, je suis passé à la buvette. Le match commençait à quelle heure? 17h15. 17h15. J'ai dû passer à 17h13. Ouais. C'était très calme. C'était très calme. Mm. J'ai pu commander une bière. Une limonade. Bière sans alcool. La même que Marc. Il y a un côté un peu buvette de laser game, tu vois, dans la buvette, je sais pas. Ça manque un petit peu, pour l'instant, d'émotion, ça va peut-être s'améliorer avec le temps. Like. C'était, voilà, c'est... En fait, j'imaginais ça quand on me l'a vendu. En fait, c'est vraiment une buvette. Moi, je voyais plus ça comme un bar qui aurait pu potentiellement être ouvert pour diffuser les matchs quand Strasbourg joue à l'extérieur, ou genre de choses comme ça. Quand là, t'as pas envie de regarder la profondeur du truc, c'est... Il y a 2 mètres de profondeur, t'arrives sur le bar, et derrière le bar, il y a 2 mètres de profondeur pour la technique. Il y a déjà la fan zone pour la diffusion des matchs. Bah, ça doit être ça, alors. En tout cas, je l'avais pas. J'ai été un peu. Alors, c'est long. Ouais. Mais ça reste un long comptoir sur 50 mètres. Quoi. Moi, l'impression que ça m'a donné. Alors, déjà, oui, je pense que la fan zone sera faite pour les matchs. Mais c'est les buvettes qu'on a sur la. Le toit, le... Qu'on appelle ça la terrasse, enfin, qu'on appelle ça le dégagement. La plateforme, la coursive. C'est les mêmes répliquées un nombre de fois assez élevé, effectivement un peu plus profonde. Mais sinon, c'est en plastique, c'est la même chose, c'est les mêmes choix. Alors, j'avais peur d'un truc, moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire un côté folklore abominable, tu vois, où si on avait été à Lens, on aurait eu, apparemment ils ont des terrils, il y aurait eu des décorations en terrils. Nous, j'avais très très peur d'une déco colombage. J'aurais adoré. T'aurais adoré? Ouais, j'aurais adoré plutôt que ce truc un peu sans âme, aseptisé, où ça fait, comme dit, buvette de laser game, quoi. Ben oui, mais moi je craignais l'un et l'autre. Parce que t'imagines quand même des cigognes en plastoc et des. Enfin, je sais pas. Ça aurait été formidable avec des saucisses. Des faux colombages, c'est une idée. Elle serait ouverte le jour où il y a la fan zone de 5000 places et où il n'y a pas assez de places au stade. On ne nous dit plus rien, on ne sait pas. Je pense que Coma a la réponse, il faut lui demander sur Twitter. Bah oui, peut-être. Ce serait historique, non? Sur Twitter ou sur X. Qu'on pose une question à quelqu'un qui nous pose une question. C'est des questions Minitel inversées. Les reverse questions Minitel. Tout à fait. Mais d'ailleurs, il y a une changement de sens. Je pourrais en poser parce qu'à la fin, quand on y viendra, il y a un échange entre Ross 3 et Book que je ne comprends absolument pas. Bon, moi, je propose qu'on ouvre la dernière bouteille de vin histoire de répondre aux questions de Minitel qui arrivent. Ah, on est là-dessus déjà? Bah, là, le match de Brest, on va bien. Ah oui, le Vacara, c'est bon. On va dire qu'on s'est un peu fait chier quand même, donc je barre. Ouais. Alors, un bon point, parce qu'on fructifie les points à l'extérieur, victoire contre double à l'extérieur, hein, on s'appelle tous, Ligue des Champions, Hervé Matou. Donc, pour la Coupe d'Europe, on est bien, parce qu'on a gagné à l'extérieur, on fait nul à domicile, on est qualifié. Surtout que les résultats en Coupe de France dans la semaine valorisent cette 7e place. C'est pas complètement farfelu de penser que la 7e place soit qualificative pour le barrage de la Conférence League, c'est-à-dire. Ouais. La coupe à Toto. C'est comme ça qu'on appelait ça dans les années 90. Je pense qu'il faudra quand même qu'il n'y ait aucun blessé. Hein, parce que je pense que tu paierais méga dans cette équipe ou André Santos ou Mamassi ou Morera surtout. Attends, ou Petrovic, on a Mara, je peux pas te laisser dire ça. Joueur. Je vous présente mes excuses. Quel joueur? Grand Mérode. Après, oui, la 7e place, donc on rappelle, si Paris gagne la Coupe de France, la 7e place devient qualificative pour le barrage de la Conference League. Alors, on pourrait toujours se poser la question de 120 millions injectés en 2 ans pour se qualifier pour le tour premier Ligue des Champions. Ce n'est pas le projet. Quand on aime, on ne compte pas. C'est ça. Et la Terre Toto, c'est quand même des super souvenirs. Alors, c'est. Mais la Terre Toto te menait en coupe de l'UEFA, en Europa League. Factuellement, la dernière qualification en Coupe d'Europe par le championnat, ça doit remonter début des années 80. Par le championnat Oui. Bah, je dirais même que c'est plutôt 79. Hein. Non, ouais. Je pense après. Les Brestois étaient pas là. Après, on a fait Jean 4e, un truc comme ça. Pas sûr. Bon, merci Blouko. Troisième l'année de avant le titre. Et là on est déjà qualifié pour la Coupe d'Europe. Bah à l'époque je sais pas si ça donnait. Pas sûr. Non, c'était l'ancien. Non, c'était, il y avait juste. Bref, tout ce que tu as pour dire, merci beaucoup. Bah, merci beaucoup, mais bien sûr. Comme il se doit. Comme il se doit. C'est vrai que là. Donc, ouais. Là, on attaque quoi là? Est-ce qu'on est sur les questions militaires? Là, on est sur un petit rouge espagnol, je crois. Ouais. Mais... c'est ça. Là, on part sur un. Ah oui, espagnol. Effectivement, l'année 79-80, on finit 5e et les 3 premiers allaient en Coupe d'Europe. Donc dans l'os. Par contre, on donc, était... la dernière fois qu'on allait en Coupe d'Europe, c'est probablement l'année du titre, mais. Alors, il faut que nos auditeurs sur Internet, quand ils écouteront cette chose, nous mettent un commentaire, évidemment, oui. Sur Racing Stube, le site qui a besoin d'un financement participatif. Ah putain, oui! Il faut pas oublier d'en parler. Ah oui, il fallait en parler de ça! Justement, rajoute-le dans la liste. Envoyez des sur Guillet. Alors, non, mais. Qu'on nous dise si on se gourre ou si la dernière participation de Strasbourg à une compétition européenne par le biais du championnat, c'était l'année du titre. Voilà. Moi, je me demande. Mais je pense que c'est voilà. Ça. Mais par contre, c'est pour les auditeurs de Radio Stube qui sont. Évidemment, dans les deux cas, des gens, des Stubistes, des gens qui sont sur Racing Stube. Racing Stube qui a lancé un financement participatif pour payer son hébergement. Parce que envoyer des sous. Parce que du coup, ça coûte beaucoup de sous. 70 euros, j'ai des ordres de mémoire, par mois, à minima, ouais. Voire plus. Et donc, du coup, il y a un lien avec une cagnotte Litchi, donc quelque chose comme ça, sur la page d'accueil du site. Non, Litchi, ou... on s'en fout, c'est sur le site. Voilà, enfin, c'est peut-être un fruit. Les règles sont sur le site. Allez-y. Genre, kiwi, ou alors ouais, envoyez sur PayPal, genre radioshtube@gmail.com. Mais oui. Hein, JP Larky, tu confirmes que ouais. Ça marche sur PayPal directement à Radio Stube. Alors, nous, Radio Stube, on versera la moitié à Racing Stube. Voilà. Oui, à la moitié. Oui, on fait ça. On va voir. Hein. On s'arrange. Ouais, on s'arrange. Voilà. Mais très important de donner. C'est bien Litchi. Hein, c'est Litchi. Voilà, donc c'est sur la page d'accueil du Stube. Vous pouvez trouver le lien. Il y a un petit article. Et voilà, qui vous permet de financer un petit peu ça, parce que du coup, il n'y a plus de t-shirts et autres goodies. C'est moche, hein, c'est moche aussi, plus de t-shirts. Hein. Donc, du coup, là, ça commence le trésor de guerre qui a servi à financer l'hébergement pendant des années. Il s'épuise et donc il va falloir mettre un petit peu d'argent, parce que je vous rappelle que ce que vous avez sur Racing Club, vous accédez à de l'information de qualité, information qui est gratuite. Gratuite. Toujours gratuit, il n'y a jamais eu de pub sur Racing Club. Il n'y a jamais eu de pub. Une fois, il y avait des pubs. Oui. Mais les mecs, ils nous ont virés. Voilà. Donc voilà. Et vous avez des débats. Racing Club Plus, peut-être. Hein, et vous avez des débats assez enflammés, mais en général, de qualité. Les modérateurs y veillent. Je ne veux pas faire mon connard, mais c'est quand même par rapport à d'autres endroits où c'est absolument n'importe quoi. Le Far West. Le Far West, c'est quand même pas si mal. Voilà, donc on approche des 2000 euros dans la cagnotte. C'est pas assez. À l'écoute de cette émission, on a un objectif. Il faut doubler la cagnotte. Il faut aller vers les 4000 euros. Je pense. Vers l'infini et le franchement, delà. Franchement, 4000 euros, c'est un petit week-end spa pour tout le monde. Ce que je vous propose, c'est que vendredi, si vous aviez l'intention d'aller manger au restaurant avec votre copine, vous économisez 30 euros par personne, c'est-à-dire 60, et vous envoyez dans la cagnotte Litchi. Et Laurent Nicolin a fait un virement dans la cagnotte Litchi. C'est quoi un resto pour moi? Ouais. Franchement, surtout quand tu pèses 110 kilos, mais comme lui, Nicolas. Exactement. Envoyer 60 Nicolas, euros à la cagnotte Litchi par personne. Ouais, 60. On donne ce qu'on veut, mais 100 balles, c'est mieux quand même. Ouais, on arrondit. Voilà. Nous, on aime bien les chiffres ronds. Envoyer des sous. Mais c'était très important de le rappeler, tu fais bien. Oui, je sais bien. Et moi, je pense qu'on peut s'envoyer quelques questions Minitel avant de commencer le quiz. Et je propose de passer un petit peu aux questions Minitel du site Racing Stube. Bah oui, elles sont meilleures. Elles sont meilleures. Surtout que le site est gratuit. Ouais. Bah, je vais vous poser la première, du coup, vous allez voir, elles sont bien meilleures. Inter, marmelade ou confiture pour l'interrogation. Alors moi, j'avoue... J'ai une idée très... C'est la confiture. Confiture ? Ouais, vraiment. C'est quoi la différence ? Eh bien, c'est pas la même consistance. Moi, je dirais... Une marmelade, c'est les Anglais, c'est beaucoup. C'est marmelade. Vous connaissez marmelade. La grenouille à grande bouche, non, vous la connaissez pas. Non. Ouais. Donc, j'irai confiture, alors. Confiture, d'accord. Je vous raconte pas la blague, mais cherchez la blague de la confiture, la grenouille à grande bouche et marmelade. Oui, non. Voilà. Ensuite, Ajax Fan demande... Alors, je ne comprends pas la question. Ajax Fan, je suis désolé, je vais pas la poser, je la comprends pas. Vas-y, parce que nous, on peut la comprendre. Alors, on comprend peut-être. Comme ça, de but en blanc, c'est l'équipe sponsorisée par Blueco ? Interrogation. Oui, évidemment. La réponse est oui. Nous continuons. Là, on y va, ça va à fond. Capitaine Flirt. Ah. Capitaine Flirt. Ancien Radio Showbiz. Ancien Radio Showbiz, souvenez-vous. Ça fait assez quiz, hein, quand même. Ouais, ouais, ouais. Bah, justement, lui, il a plusieurs questions. Ah. Ah. Minitel Primo. Entre parenthèses, relation. Relation. Relationship. N'êtes-vous pas un peu trop vieux pour animer une émission jeunesse en pleine expansion? Évidemment. Oui, aussi. Ouais. Bah, on pourrait être surveillant à... dans un lycée du sud de la France. Ouais. Ouais, moi, j'en parle avec un ami chez moi. Il n'y a pas d'âge hein, pour aimer. Minitel Secondo. Entre parenthèses, vivre ensemble. Ah. Aimer Strasbourg, entre guillemets. D'accord. Mais pas une seule image de la Méno dans le clip. Quel présage pour 2026 municipal? Oh, mais non, pas de politique. Pas de politique, donc ça, c'est la... Dans quel clip il parlait? Je ne sais pas, mais visiblement, c'est la politique. Non, mais nous, là, alors, on ne fait pas de politique. Non, Captain Fleur, non. Ah, on laisse ça aux UB90. Mais exactement, aux cégétistes. Minitel Terzo, contenu et activité. Ça, c'est la parenthèse. Ah, c'est pour nous, ça. On dit ke ou che en italien, C-H-E. Ke. Ke cazzo fai. Le Racing, vous avez vu ça? Kekazo Pai! Ça, j'adore, ça, ça coule bien. Le Racing va peut-être se qualifier en Europe et on nous dit que c'est pas bien. Perché, qui a dit ça? Qui a dit ça? Jamais dans cette émission on a pu dire ça. Non, alors là, je ne sais pas. Ouais, non, Encore des cégétistes, hein, je pense. Mais ça, c'est vraiment une technique, ça. Hein, tu dis, ah oui! Ha! Et alors, les anti-grèves, qui disent quand même qu'il faudrait brûler les gens alors? Ouais. Manger des enfants. Oui, c'est ça. Ça, on l'a dit, brûler des gens. Ça, on l'avait dit. Ouais, ouais, ouais, c'est vrai. Mais... Minitel Fierté. Fierté. Ah, là, c'est de l'allemand. Minitel 4. Moll. Ah, Fierté Moll. Ah, Fierté Moll. Allemand. Allemand. Ouais. Alsacien. Milieu et territoire. Donc, Lebensraum, j'imagine. Nouveau salon à la Méno dans la tribune Host. 37 télés à regarder alors que t'es au stade. Y as-tu? C'est vrai que c'est bizarre parce que, comme je vous l'ai dit. Le bar est relativement... Il est très très long, mais peu ouais. profond, et à 37 télé. Ouais. C'est amusant à les compter, hein, quand même. C'était marqué dans le public reportage. C'était dans le public reportage du service... Attention. Marketing Communication. Il parle de la tribune Host. Il parle de la tribune Famille. Non. Host, c'est Est. West. Host, c'est Est. Vest, c'est West. Il a oublié le U. Du coup, on élimine Captain Flirt. Vous êtes le maillon faible. Alors, question suivante. Mais c'était pas dans la Nord, quoi. Non. Alors, là, c'est compliqué. Non, ça, c'est tout. C'est Tacle qui explique qu'il a déjà été contacté l'an dernier, mais que son planning ne lui permet pas de participer. Ah, bon, voilà, donc, Tacle. Si jamais ton planning te permet. Ah, c'est vrai qu'il aurait dû venir. Évidemment. Quand il a vu la liste des présents, il a décliné. Bah, je lui ai dit, franchement, si c'est pour cracher sur Bloco, Tacle, je préfère que tu viennes pas. Ouais, exactement. Ça suffit. Hein. La place est déjà prise. Il dit quand même, notons quand même que Tacle dit, c'est un peu la lanterne avec un micro, ça me plairait pour sûr. Voilà. Évidemment. C'est une bonne description de Radio Show. Ouais. Alors, JB, en comparaison avec l'ère Stéphane, pourquoi une 7e place cette année fait moins rêver les supporters alors qu'elle semble plus faire baver les joueurs de l'effectif? Question intéressante, question pas facile. Non, mais il y a des supporters qui kiffent. Mais oui, je pense pas tous. Non. Mais il y en a qui sont d'équerre avec les joueurs et qui se reconnaissent dans les joueurs qui jouent sous terre. Puis je sais pas, c'est plus bavé que l'équipe de l'époque. Hein. Oui, mais indépendamment de l'équipe, c'est la question de la 7e place. Tout le monde serait content d'être qualifié en Europe. Je pense que 100% des gens vont être contents. Qui 110%. 110%. Ouais. Non, moi je comprends pas la question en fait. Si, Jean-Luc. Un mot? Ah, moi je suis très content. Ah voilà. Vive l'Europe. Non mais tu peux dire. Ah voilà. Vive l'Europe. Alors, oui, vive l'Europe. Vive l'Europe. Europe, jeunesse, tout ça. L'humanisme. Ah non, la jeunesse. Ah, je me suis arrêté là. Hein. Ouais. Ah, bon. Voilà. Mais oui, c'est. De toute manière, l'équipe elle va être classée à la fin du championnat sur 34 journées de championnat. C'est vrai ça. Hein. Tu seras forcément à l'endroit où tu mérites d'être. Si on mérite d'être en Coupe d'Europe, on sera en Coupe d'Europe. Même si c'est une Coupe d'Europe au rabais, un peu rattrapée par le col de la chemise. Ce sera mieux que l'année dernière, on arrive. Évidemment, ça sera mieux que la 6e place de Stéphane, où on n'est pas allé en Coupe d'Europe. Exact. Donc avec Stéphane, on a fini 6e, on n'était pas en Coupe d'Europe, c'était ça. Oui, si oui, monsieur. C'est quand même bien fait niquer. Hein. La seule fois, je crois, des quelques dernières années où la 6e place n'était pas qualificative pour la Coupe d'Europe. Ouais, ça c'est assez mal. On était quoi? On était 18 ou 20 déjà à l'époque? On était 20 encore. On était 20 encore. Ouais. 6e sur 20, c'est mieux que 7 sur 18, non? Bah, ouais. Oui. Après, oui, avec les maths modernes, je veux dire, toi qui as fait des études. J'ai fait des. Ouais, bah, fait mon brevet. Ah, c'est mon brevet. Et attends, c'est mon imitation de nerd. Elle est très pas réussie. Tu la bosses devant ton miroir? Attends, bah oui, tu connais ce game? T'as marqué rien. On dirait Darry Cole. Oui, oh, et. Mais oui, pourquoi pas. Rocoras, c'est moi. C'est Darry Cole, c'est moi. Le triporteur. Bah alors, Bon, Rosenior, stop ou encore? Ah, qui est-ce qui... Rocoras? Ouais, on va aller très rapidement. Rosenior. Est-ce qu'on fait un Rosenior d'émission? Oui. Bah oui. Rosenior d'émission. Rosenior d'émission. Rosenior d'émission. Ah oui, Rosenior. En préambule, il faut rappeler que c'est le meilleur ami de Strotim, comme vous. Ah oui. Strotim l'affectionne, mais un point. Ah, j'ai vu que Strotim parle anglais très bien. Aussi. Yeah. Ah, c'est vrai, Strotim, effectivement. On a pas une question militaire qui dirait. Oui, oui. Est-ce que les UB, ces petits gauchistes, ils sont pas potes avec les mecs de châssis? J'y vais. Alors, une question sur X, le réseau des winners. Donc, Alex Co, souvenez-vous, Alex Co, oui. Core, sur Twitter, sur Racing Stube. La grogne des supporters de Shell CA, virgule. On en pense quoi à Radio Stube? On comprend pas qu'avec un tel projet, quand même, bah moi, les gens. Pas. 3 milliards investis. Ouais. Demande quoi les gens? Plus d'argent? Ouais. Qu'est-ce qu'ils toujours plus d'argent. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Du spectacle. Du spectacle. Et de la brioche. Ouais. Sachant qu'ils gueulent parce qu'ils sont 6e. Ouais. Bon. Ça, c'est comme ça que j'ai compris la révolte des. Je pense qu'ils préféraient avant en Ligue 2 ou en nationale anglaise. Ils sont 5e, hein. Ah, ils sont 5e en plus. À l'époque, ils étaient 6e. C'est terrible. En toute honnêteté, on parle de 100 mecs dans la rue. Oui, alors justement. C'est encore pire que la première manifestation. En même temps, il y a 350 clubs à Londres. C'est ça? Il n'y a pas beaucoup plus de clubs. Alors, on explique, le mardi dernier, enfin, mardi là, qui vient de passer, il y a eu une manifestation devant je ne sais plus quelle porte qui est entre les deux portes principales du stade. Donc c'est la porte que les gens ne connaissent pas apparemment d'habitude. Et je me suis tapé tout le... Ah oui, d'accord. Tout le truc. Hein. J'ai regardé tout le bordel. Donc une manifestation de protestation sur le thème Blue Co Out. Non. Oh. Exactement. Des CGTistes à Londres. Exactement. Qui ont jeté des dollars. Qui ont jeté des dollars. Des faux. Des faux dollars. J'espère. Ouais. Donc, eux, ce qu'ils reprochent, de ce que j'ai compris, alors je baragouine un peu l'anglais, mais bon, j'ai eu un quand même, c'est le fait que les gens qui ont repris le club, je ne sais pas qui c'est, font comme s'il n'y avait pas eu d'histoire au club avant, piétinent les traditions du club. Donc, on parle ici d'une dame qui faisait le thé et qui a été virée. Non, mais réellement, il y a des problèmes comme ça assez forts. C'est un peu comme Manchester United qui ferme la cantine parce qu'il n'y a plus d'argent. Voilà. C'est important que la cantine, les employés, quand tu payes des mecs 500 000 euros par semaine, tu ne peux pas donner des. La cantine. Remettre du rap de purée à la cantine. Allez, voilà, c'est ça. Et bon, alors après, j'ai pas tout regardé, c'est un peu chiant, mais ils reprochent pas mal de trucs, mais en gros, on est sur le terrain de ne pas respecter les traditions du club. Ils sont pas trop dans le support de leur club vassal de Strasbourg. C'est non. Pas trop le sujet, quoi. Mais ils sont quand même au courant, puisqu'ils ont invité, donc. Straw Team, qu'on devrait appeler Straw Equipe, j'imagine, évidemment. L'équipe de Straw, cette fameuse équipe de Straw. Donc il a parlé, qui a été invité donc par FC Minerals de YouTube. C'est une marque d'eau. Je sais pas, c'est FC Minerals qui a un très beau papier peint chez lui. Vous verrez si vous regardez les vidéos. D'accord. Et un autre gars qui parle français, par contre l'autre gars. Et j'ai oublié le nom de l'autre gars, par contre je suis désolé. Et ils ont parlé mais vraiment longtemps. Et en fait, ce qui est incroyable, pas incroyable, ce qui est étonnant, c'est que l'impression que j'ai eue, mais bon, je suis pas non plus, je connais pas tout, c'est qu'ils veulent s'inspirer. Bah, c'est pas ils veulent s'inspirer. Ils essayaient d'avoir des informations de la part de Strotim et de gens de Strasbourg. C'est pas la première fois apparemment qu'ils contactent des gens de la Fédé ou d'ailleurs ou autres. Je connais pas les détails. Et ils veulent comprendre quelle forme a la, pourquoi la grève à Strasbourg a la forme qu'elle a. Est-ce qu'il y a eu d'autres types de manifestations? Taradi, dadada. Voilà. En résumé. Par contre, je ne peux pas vous dire qu'à la fin de la vidéo, tout d'un coup, il y a eu une internationale de l'anti-bloucoïsme qui s'est créée. C'était plutôt une description de ce qu'on faisait à Strasbourg. Enfin, de ce qui était fait, j'ai rien à voir avec tout ça. De ce qui était fait à Strasbourg, etc. D'accord. Parfait, parfait. Et encore, alors, une petite question militaire avant le quiz, parce que là, on me dit dans l'oreillette que quand même. Ouais, j'ai parlé trop longtemps. Non. Je couperai au montage. Tout ce que vous voulez, je coupe. Il y a Rose 3 qui demande. Ah, bah voilà, Rose 3. Rose 3. Yaya Diem, il est arrivé. On l'a pas déjà posé celle-là ? Non, parce que je faisais un nouveau joueur, c'est le Sénégalais. Il me semble que c'est le joueur sénégalais qui l'avait supervisé lui-même à Bamako, au Mali. Et je ne pense qu'il n'est pas arrivé. Hein. Il n'est jamais arrivé. D'accord. Bah, je crois. Hein, je savais pas que. Je ne savais pas qu'il existait avant aujourd'hui. Un avis, Jean-Luc ? Sur comment ça s'écrit pour que je reste en tête. Très bien. Là, il fait des recherches. C'est la cellule de décryptage, tu sais. Il l'appelle. Yaya tiré. Ah non, pas tiré. Yaya, comme Yaya. Are you coming to swallow, man? Diem, D-I-U-M-E. C'est Younes, le mec de Chelsea qui parle français. Voilà. Je ne le trouve pas, donc. J'ai retrouvé l'information, j'ai mis le temps parce que. Donc, Younes. La cellule décodage dit que Yaya Diem n'existe pas. Ouais, voilà, c'est notre réponse. D'accord. Est-ce qu'on demande. Mais est-ce que. Peut-être qu'on ne connaît pas parce qu'il est encore en primaire. Oui, c'est pour protéger les mineurs. Il va arriver. Dès qu'il a 18 ans. Dès qu'il a 18 ans. Il va arriver en CM2, je veux dire, il va. Ouais, ça va chier. On doit quand même. Je suis désolé, mais on va aller très vite et là, je vais vous répondre en moins de 10 secondes. Ah, on fait un 60 secondes chrono. C'est parti. Allez, HF. Lénard est-il passé dans le camp des traîtres? Je ne comprends pas la question, mais allez-y. Oui. Non, parfois. Oui. Bah, il est venu quoi? Il est venu inaugurer la tribune alors qu'une semaine avant il a dit qu'il le ferait pas. Donc, 60 secondes. Enfin, ok. Oui. Donc oui, très. Shame on him. Au carcel de commun. En cas de qualification en Europe conférence, en Europa compréhensible, le Racing doit-il viser la gagne? Évidemment. Mais non. Exactement. Et quid en cas de qualification conjointe de Strasbourg et Chelsea dans la même compétition européenne? On s'en fout, on se veut toujours s'arranger avec les règles. Ah, il fait 70 matchs. Il faudra juste virer du CA nos amis Stewart et l'autre NAS que j'ai oublié son nom. Exactement. Et Winslet. Voilà, et tu les vires du CA et puis. Exactement. Tu mets deux prête-noms. Je propose de répondre à la question de commun en 60 secondes. D'accord. Allez, vous êtes prêts? Oui. Accrochez-vous. Si vous deviez tour à tour endosser la casquette des grévistes, quelles seraient les deux ou trois recommandations que vous leur donneriez pour favoriser plus de sérénité et de calme en tribune? Alors, donner à qui? Aux grévistes ou aux non-grévistes? Non, aux grévistes. Si t'es gréviste. Alors moi, je suis gréviste, je leur conseille de prendre une verveine à la place de la bière. Du vin chaud, Ça apaiserait, ça mettrait de la sérénité. D'accord. Un autre avis on... Une tisane. Celle de l'oreille. C'est la tisane de l'oreille. Est-ce que tu peux nous faire l'oreille? Oui, la tisane. Dim, replace-toi, qu'est-ce que tu fous? Voilà. C'est ce que j'aurais dit si j'avais imité l'oreille. Ouais. Jean-Luc, un avis? Moi, je suis d'accord. Ah, il est d'accord, très bien. Donc maintenant, si tu mets ensuite la casquette des opposants à la grève... Attends, il y a combien de casquettes? Il y a deux casquettes. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y en a quatre. Ah oui. Quelles seraient les deux ou trois recommandations que vous leur adresseriez pour le même objectif? Donc là, on est anti-grève, parle aux anti-grèves. Alors là, du coup, j'ai une idée aussi, c'est autre chose. C'est en fait qu'ils mettent trois Valium dans leur bière avant d'arriver en tribune. Ok. Donc les ultras prennent, les assos prennent de la verveine. Les autres du Valium. Avec la bière. Mon conseil, ce serait peut-être resserre-toi un petit peu de rouge. Ibérico. Il est vraiment velu. Hein, moi, je vous le dis. Merci. Moi, je peux avoir du vin blanco anglais. Ouais, mais sinon, genre, les. Donc là, on est aux pro-anti-grèves, c'est ça? C'est les anti-grèves qui parlent aux anti-grèves. J'ai l'impression qu'il essaie de trouver un terrain d'ordre pour que tout le monde se prenne bras dessus, bras dessous, tout nu, court et chante en une chanson de. Mais c'est pas du Valium, c'est des extasies qu'il faut mettre dans les. C'est ça. Allez, c'est ça, on drop des acides tous ensemble. Allez. Jean-Luc, la jeunesse, un avis? Le mégaphone plus au milieu. Le mégaphone plus au milieu trop, hein, après... Mais oui, j'entends. Excellent avis. Alors, excusez-moi, il y a un truc que j'ai pas compris, j'ai besoin de vous m'expliquer. J'ai vu. Avant le match de Brest, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y a des gens qui disaient on va encourager, machin. Et ils ont pris une photo de la tribune ouest et ils ont mis un genre de trait rouge pour dire que globalement, quand tu es sur le terrain et que tu regardes la tribune, en haut à droite, ça sera là où ça change. Mais pendant le match de Brest, c'était pas là, c'était dans le quart de virage nord-ouest. Dans le vieux quart de virage. Donc en fait, ils n'étaient pas du tout à l'endroit où ils avaient dit qu'ils seraient. Ouais, mais c'est à peu près là. Hein, ouais. C'est à droite, quoi. Ouais. Oui. D'accord. Et j'ai vu une photo avec un mégaphone qui vient d'un club de handball, paraît-il, récupéré d'un club de handball, et un tambour, et qui ont mis l'ambiance le premier quart d'heure. Avec 50 mecs de la sécu autour. Ouais. Ouais. Ça, j'ai, pas vu. J'ai absolument pas vu. Par contre, il y a aussi beaucoup de gens qui l'ont reproché, à mon avis, à tort. De dire, de dire, ouais, à la 15e, vous partez, alors, quelque part, vous venez, vous faites les marioles, et puis vous vous barrez. Alors que, de ce que j'avais compris, ils avaient annoncé que nous, on vient combler le, le trou de 15 minutes, et au bout de 15 minutes, on se retire pour laisser la place aux animateurs de tribune habituels. Donc, ça me paraît pas déconnant. Donc, le fait de venir et de trucs et de pas continuer les 75 autres minutes, il l'avait, il n'y a pas trompé sur la marchandise, il l'avait annoncé dès le début de leur initiative sur les, c'est scandaleux sur les réseaux sociaux. J'ai pas suivi. Bon, voilà, il y a à boire et à manger dans ce truc-là. J'ai l'impression qu'en fait, c'est un petit. Tu sais ce que ça me fait vraiment penser ? Dis-moi. Ça me fait penser quand t'as généralement un meurtre odieux ou un truc comme ça, où t'as une récupération politique où les gens viennent derrière. Et là, il y a cet événement-là. Ouais. Et d'un côté, voire de l'autre, ça essaye de récupérer le truc dans un sens ou dans l'autre. Ah, t'as vu, le mec à la 15e, il arrête, c'est nul. Ouais. En fait, non. Et l'autre, ah, t'as vu, c'est formidable, ils ont éteint le stade pendant 15 minutes, ils ont éteint ce que les assos peuvent faire, les 60. Raison gardée, quoi, je veux dire. Les gens vivent dans une conflictualité permanente. Il y a un besoin de confrontation en permanence. Voilà, c'est comme ça. Mais avec toujours les mêmes profils, hein, ces gens pas équipés dans la vie réelle, qui, sur les réseaux sociaux, arrivent à... Par contre, je mettrais quand même un bémol. Pas un bémol, mais je mettrais quand même. Un dans la gueule. Les gens qui ont essayé d'animer ce premier quart d'heure, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment remplis de bonne volonté et qu'ils n'ont rien à voir avec les gens qui essayent de mettre une polémique et de faire monter la mayonnaise pour Dieu. Parce que eux, déjà, ils font. Ils sont constructifs. Ils essayent d'eux. Ils essayent d'eux. Donc, voilà. Ils agissent dans le réel. Et ça, c'est très bien. Tout à fait. Il suffit de traverser la route, disait un ami à moi, pour se faire écraser. Mais non, mais c'était important qu'on en parle parce qu'on avait oublié de parler de ce moment qui est important. Ouais. C'était le match de Brest. Hein. Le match de Brest, exactement. Rappelez-vous, le match de Brest, magnifique. Le premier quart d'heure. Ouais. Après, gros match de merde pendant tout le match. Est-ce qu'on aura fini un petit peu avec les questions Minitel ? Oui, là, on va arrêter. Est-ce qu'on passerait pas au quiz ? Ouais ! Calcio ? Ah, j'aimerais tellement ça. Je vais être ridicule. Non, ouais. Là, on est une team de feu. Je pense que là, c'est une grosse équipe. Moi, c'est la première fois où les auditeurs vont gagner. C'est un quiz pour rendre hommage au célèbre stubiste Eric Cantona. Évidemment. Paix à son âme. Ouais, bien sûr, bien sûr. Qui concerne, du coup, notre cher ami Dimitri Liénard. Ah. Alors, Liénard, comme ça, combien de matchs joués ? Racing, bien sûr. 312. Combien ? 312. 312. Ah, j'en ai 190. Moi, j'aurais dit presque, je sais pas, 400. 400. 208. 208, vous êtes tous perdus, étonnamment. 331. Ouais, je suis pas loin. Combien de buts ? 312. Presque, 44. 44 buts. J'aurais dit... Au-dessus, 30... c'est perdu, en dessous, c'est gagné. 38. 41. Connard. 62, on a tous perdu, c'était 35. Combien de passes décisives ? J'étais pas loin. Combien de passes décisives ? Ah bah là, par contre, je dirais moi. Je peux commencer là ? Ouais, mais oui. Mais j'étais oui. Plus proche. Là, je dirais. Là, je dirais 50. Oh putain. Combien ? Bah, bizarrement, j'aurais dit 35. 27. 48. 86. JP Barty, magnifique. Deux fois de suite. Magnifique. Putain, mais c'est énorme. C'est énorme. Alors, oui. Justement, on va parler du quiz, du coup, qui est en fait un 100 mètres. Le premier a 5 bonnes réponses. Alors, c'est très simple. Je veux... Liénard. Toujours sur Liénard. Il a marqué sur des passes décisives de qui ? Ah. Ou alors, il a passé passeur décisif. À qui ? Pour qui ? Voilà. C'est quand même un petit peu relevé. Ouais. C'est un petit peu relevé. Je prends un petit. Je crois qu'il y a Queso Volcano. Queso Volcano. Il y a une quarantaine de noms, je redis 41 comme ça. Donc, Liénard, les buts du Racing. Donc, je rappelle, 35 buts, 86 passes décisives. Et pour qui ? Et on doit annoncer pour qui, à qui, ou voilà, tu dis les noms. Voilà. Tu dis les noms. Ah, oui. Voilà, tu dis les noms. Tu dis si tu. C'est toi qui commence. C'est toi qui commence. J'ai perdu. Si tu es parti comme t'as gagné et que t'as l'air d'être balèze, hein, tu as la chance, l'immense chance de commencer. Donc le premier à 5 noms remporte ce 100 mètres. Adorc. Ludovic Ajork. Me dis pas que. Ils sont croisés au moins sur la terrain. Ils sont croisés, oui. Non, mais oui. Il a fait deux passes décisives. Ah, voilà. Évidemment. Julian. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est, enfin voilà quoi, putain, mais je sais même pas avec qui il a, enfin voilà, Lala. Oui, si. Oh, oui, bien sûr, évidemment. Il y a forcément eu un truc avec Lala. Lala, effectivement, ah. Il a marqué un but sur les passes de Lala. Évidemment, c'est il a eu. Ah, moi je dis Jérémy Grimm. Les frérots. Probablement Jérémy Grimm, effectivement. Il a fait une passe décisive à Grimm. C'est tout ? Oui, ça suffit. Mais il n'y a pas eu de passe décisive de Grimm aussi ? Non, a priori non. Bon, c'est vrai que je crois que je me trompe. Non, voilà. C'est dur, hein, j'ai pas le foot. Ouais, mais pareil. Ouais. Gamero ? Pour Gamero, alors sans doute, je l'ai vu Gamero quelque part, effectivement, hein, il a marqué sur une passe de Gamero. Ouais, ça se tient. Moi, je dirais Jonas Martin. Lequel ? Risqué. Non, ça compte, ce nom compte qu'à moitié, mais c'est juste. 2 points pour JP Darcy. Julian. Oh putain. J'aurais pas dû reprendre ce verre de rouge. T'as l'air de voir ceux qui étaient aussi abonnés avant la Ligue 1. Oui, justement, je me dis en national, par exemple, ça pourrait être bien. Hein, mais... Stéphane Roux. Et tu crois que je me souviens de Ah, putain, mais qu'est-ce qu'il y a qui jouait à cette époque-là, à Strasbourg ? Alors, il y en a dans chaque division. Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3. Ligue 3. Ah, mais moi, je suis nul. Hein, ah, ouais, selon E-League, apparemment. Je suis vraiment très, très nul. J'arrive même plus à me rappeler des joueurs. Donc. Bon, dirais-moi. C'est terrible. Hein. Mais dope-toi un petit peu. Mais putain, laissez-moi réfléchir. Il faut encore 10 secondes. Il faut réfléchir. Ouais, c'est je bon. Pas un petit peu de rouge. Je mettrai un tapis musical sur le. Non, mais en plus, on est dans. C'est une safe place. C'est une safe place. Ça, c'est une safe place. Putain, mais je sais. William, 5, 4, mais après, c'est pas fini. 5, non, je sais 4, pas. Honnêtement, j'en sais foutre rien. J'en sais rien. Gigus. Alors, je vais tenter Jérémy Blayac. Jérémy Blayac, c'est une bonne réponse, Gigus, quand même. J'ai l'impression d'être à tort, tu vois, aujourd'hui. 4 passes décisives. Et aucune de Blayac, j'imagine. Parce que Blayac n'a jamais fait de passe. Hein. La vie est injuste. Hein. Jean-Luc. Lucas Perrin. C'est osé. C'est pas mal. Je crois que c'est trop osé. Hein, quand même. Lucas Perrin, je pense que c'est trop osé. Mais ils ont joué ensemble. Ils ont joué ensemble, mais je pense qu'ils s'aimaient pas. Hein, du coup, non. Ah oui, du coup, je vais pas dire Marwan machin. Donc, au bout de 2 tours, hein, quand même, JP Darty et Gigas, 2 points chacun. Ça m'étonne pas. Hein. On est sur du. JP Darty pour mettre une pression d'enfer à Gigas. Ouais, là, ça va être. Ah, ça va être chaud. Alors, c'est à moi ? Oui. Du coup ? D'accord. Rappelle qu'on cherche en 3 un joueur de foot. Oui, c'est ça. Moi, je vais tenter un truc qui est couillu. Il y en a à tenter. Hein. Je pense qu'ils ont joué ensemble. CK, c'est une. Mais excellent. CK, il est dedans, effectivement. Ouh. Donc CK, quand même, Lienard lui a fait 2 passes décisives. Donc une au 90 plus 4. Genre voilà, à la buvette. Ah, voilà. Qui compte, effectivement, dans le quiz. Hein. Julian. Non. C'est une très bonne réponse. Oh merde. Et alors, petite anecdote, les deux étaient hyper amis. Genre... Oui, mais tout le monde est ami avec Léna, en fait. Oui, oui. À part Marwan. Non. C'est qui Marwan ? Marwan Chamac ? Non, pas Marwan. Oui. Le mec, il a étranglé. Donzelo est pas dans le. Donzelo est pas truc. Mais quoi, il pourrait. Bah, il y a non. Alors, je vais tenter un truc iconoclaste. Baptiste Guillaume, c'est une bonne réponse. Passe de Lénard. 3 points. C'est un bon souvenir, Baptiste. Luc. Belgarde, je crois que je l'ai vu. Ah putain, vas-y, pas mal. Si, mais oui, bien sûr. Ouais. Richard Belgarde. Il n'y est pas, Belgarde. Belgarde n'est pas là. Alors moi, je tente Jean-Eudes Aoulou. Jean-Eudes Aoulou. Je pense. Il est là, c'est une bonne réponse. Il y en a remarqué sur une place d'Aoulou. Et l'inverse n'est pas si vrai que ça, en fait. Mais quand même. Quand on n'est pas imprimé par un tort. Du coup, fousse pas le god David Lady. David Lady. Ah, je crois pas, non. Ils ont joué ensemble. Ouais, mais non, aucune. Mais comment c'est possible? La première année de. La première année. Les deals étaient quasiment out, je oui. crois, oui. la première année. Et on était à chier. On était à chier aussi. Ouais. Alors, bah, je vais tomber football got Stéphane Bauken. Stéphane Bauken, c'est effectivement. Ah, c'est alors, Lienard lui a fait le plus de passes décisives. Hein. Oh là là. Ça va. Fort. Luc. Delaine. Delaine, non. Il a marqué Delaine, hein, oui, il a marqué une fois, non, on s'est raté. JP Darky pour être le premier à valider 5 points et éliminer les collègues. Ah, c'est stressant. Là, je vois des joueurs, mais je me rappelle plus leur nom. Ouais, c'est ça. On a un mec qui s'appelait pas ça, mais comment Louis ça. Ah, on n'a pas Philippe. Eh ben, je tente sa peau. Felipe Sad, tu voulais dire. Non. Felipe Sad. Oui, bah Felipe Sad. Ah, Felipe Sad, j'ai fait une bonne réponse. Felipe Sad, c'est un point incroyable. Yes. Pour l'honneur. Il y en a un mec qui avait marqué des buts, il était resté une saison à. Ah, et qui a été. Genre, il a fait Lyon, il a fait Rennes. Non, il a fait que des clubs de merde, il est venu chez nous. Ça et après, il est reparti dans un pays où il faisait le Ramadan. Boutaïd, donc. 4 points de décision. Ramadan, Boutaïd. Mais il est parti dans un pays. Et le Ramadan, c'est demain soir. Et au-dessus, où est-ce qu'il joue, Ralid Boutaïd? À Pau. On peut faire le Ramadan à Pau. Au FC François Bérou. Eh ben, pour empêcher écoute, il a pas voulu dire, mais moi je dis Issan Sako. T'es sûr de vouloir dire ça? J'ai pas trop d'autres idées, donc. Issan Sabo peut-être? Mais Issan Sako, non. Non! Victoire de JP Darky! Victoire de JP Darky! Bravo! Oh là là, c'est le plus beau jour de ma vie, merci! Non, les deux là quand même! Sabo! Pour enfoncer le coup, il y a Sabo, effectivement. Kevin Zoe, oui, bonne réponse. À Francfort, je crois. Hein. Contre Francfort, pardon. Je suis sûr quand même. Qui doit quelques-uns quand même. Hein. Après, il doit y avoir des milieux de terrain ou des défenseurs, genre du Billy Modeste. Habib Diarra, peut-être. Non, Billy Modeste, non. Billy Modeste, non. Gaëtan Weisbeck. Lienard a marqué deux buts sur deux passes décisives de. Benjamin Cornier. Granit et Cornier, c'est la même chose. Il a marqué sur des passes de Bouanga aussi. Johnny Bouanga. Gengini. Benjamin. Gonçalves. Ah ouais. Marquez. Frédéric Marquez. Alexandre Mendy. Gauthier Pinot. Ribas. Ah, Sébastien Ribas. Anthony Siki. Ah ouais. Et les passeurs, alors au milieu, il y en a un formé au club. Il marque son début de Siki, mais pas de Ledi, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Brian Amofa. On en a parlé tout à l'heure dans les affaires. Il a inauguré le 90 plus 4 avec lui. C'est K ? Non, c'est K, déjà été dit. L'autre, Mangan. Kader a fait une passe ? Non, Lienard a fait une passe à Mangan. Je crois que c'est le match de la montée à Bourg, hein. C'est contre Bourg, pardon. Mitrovic. Endur. Vous avez oublié Endur. J'ai failli dire. Endur. Abdallah Endur. Mais il jouait du même côté que monsieur. C'est Racing. Tout est possible dans Racing. Lienard a fait une passe décisive à Endoy, à Sad. Donc ça avait été dit. Sissoko. Thomasson. Cassie. Ah ouais, mais là. Gonçalves aussi. Est-ce que Noguera est dedans? Bakar, il connaît dedans. Noguera, général amiral. Marquez est aussi dedans. Ndiaye. Alassane Ndiaye. Sabo, du coup, a été dit. Sikimic, Simakan et. Mais attends. Nuno da Costa. Oh là là. En tout cas, belle victoire hein, de JP Darky. Bravo. Merci. Alors, et n'oubliez pas. Merci pour le quiz de. Rien n'aurait été possible cette victoire sans Blue Coast. Bien sûr. Évidemment. Il nous reste une minute pour une question Minitel à la volée. Bien sûr, 1h30, on est au top. Surtout que je vais éditer, je vais enlever un peu. Hein. Bouquenon, les gens veulent savoir, pour l'interrogation. Qui nous sommes ? Je ne sais pas. Brigade Sud. Vous en voulez une autre, je sens que celle-là, elle ne vous plaît pas forcément énormément. Alors, j'arrive. Le monsieur foot de foot. Ah oui. Sur X. Oui. Le recrutement de jeunes à très fort potentiel tuera-t-il le centre de formation ? Bah, c'est le cas. Excellente question. Prochaine émission. Non, mais c'est le cas. Je pense, oui, mais... Il y a combien de mecs du centre de formation maintenant qui vont monter en équipe 1 ? Et pas Hermès, c'est le cas. On est en quelle position, rappelez-moi, sur l'équipe 2 ? Pas bien. On n'est pas bien. Ouais, très mal. On devait déjà tomber la saison dernière. Oui, je crois que, ouais, c'est... Ok. Bah, allez, la dernière. Eh bien, la dernière, Nanasi, plus fort que Mostovan ? Mais oui, bien sûr. Bien sûr que non. Les mecs qui disent ça, c'est vraiment des millénials qui viennent d'arriver et qui viennent de comprendre le foot. Regardez donc Metz Strasbourg en finale de l'Intertoto, justement, puisqu'on parle de Mostovoy. En 95. On parle d'un mec qui s'entraînait pas. Oui. Qui passait son temps à boire des vodkas, truc. Et qui le fait toujours. Imaginez s'il s'entraînait un temps soit peu. Ouais, c'est ça. Nanasi, le mec, il a fait. Il prend un chouette. C'est non, non, c'est pas ça. C'est ce qui m'énerve. Là, putain, là, ça m'énerve maintenant. Ça m'énerve. C'est cette propension à. Les gens font deux matchs corrects. Et putain, c'est la hype qui. Truc. Arrêtez de dire ça. Arrêtez de dire ça. Nanasi, il a joué quoi 15 matchs au Racing. Et dans les 15 matchs, il en a fait 5 qui étaient vraiment bons. 5 qui étaient nuls à chier et 5 qui étaient moyens. Arrêtez de vous branler. Le mec, on n'a pas dit qu'il était nul. Ah ben non. Mais on a juste dit, raison gardée, arrêtez de comparer un Mostovoy et un Nanasi, quoi. Arrêtez, clairement, quoi, clairement. S'il vous plaît, quoi. Le football, il n'a pas démarré en 2022, quoi. Il a démarré avant. Il y avait des mecs qui étaient bons avant. C'était pas le même football, mais c'était pas ça, quoi. Alors, s'il vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous, exactement. Calmez-vous. Et fuck. Voilà. 21 matchs, Nanasi, effectivement. Alors, 15, exactement, c'est ce qu'on exactement a dit. 15 matchs. Voilà. Si, on t'a raison. Donc voilà, et donc Mostovoy, certainement pas. Mostovoy voilà. D'abord. Et bien sûr, on dit. Allez, Racing. Allez, Mostovoy. Allez, Nanasi. Mostovoy. Il doit y avoir une équipe professionnelle en Alsace, on sait bien que ça ne peut pas être une autre équipe que le Racing.